Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Direct d'un bureau mal éclairé où il fait à peu près... Ah, c'est pas pire, on est rendu à 23 degrés, les boys. Nice. C'est bon, ça, on va y arriver à 28. Beaucoup trop de technologie, on sera à 27 avant la fin du show. Ça surchauffe. Donc, bienvenue à l'épisode 51 du Geek Collectif. Mon nom est André Paquette, comme d'habitude. Oui. Subtil, hein? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Peut-être qu'un moment donné, je vais m'appeler Mike Tyson. Oh, ce serait pas pire, c'est ça. Un bon choix. Donc, il va aussi éventuellement avoir un retour de Riker, pas de barbe, là. Riker, pas de barbe. Non, je suis pas très Riker, pas de barbe. Le seul Riker a une barbe. C'est ça. Fait que... Sans ça, c'est bizarre un peu. Mais je blâme aussi Crusher dans ce temps-là. Oh. Fait que l'épisode 51, là, on a Jean-Luc avec nous autres. Jean-Luc Labelle. Bonsoir. Comment ça va, Jean-Luc? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être avec nous autres. Donc, Jean-Luc, t'as accepté de venir participer au collectif, puis de nous faire bénéficier de ton expérience en réalité virtuelle. Nous faire vomir. Nous faire borderline vomir. Montagne russe très réaliste. C'est ça réaliste. Le but. Quand je t'ai dit, t'as rien vu encore. Il y en a des plus hautes que ça. Là. Mais dans le fond, c'est que t'es familier avec le concept de l'épisode. On a le sujet principal qui va être toi, dans le fond. Fait que tu nous fais un exposé oral de 45 minutes, très explicite, en profondeur du domaine dans lequel tu œuvres. Okay. Donc, tu vas nous parler de réalité virtuelle. 45 minutes tout seul avec Milter qui te regarde et qui te respecte dans le cou. Ok, go. Ça va être plus dur pour Milter de rien dire pendant 45 minutes. Ouais, c'est difficile, ça. Je respire juste de la bouche. J'ai des troubles de sinus, tu sais. Fait que c'est comme bien intense, là. C'est heavy breathing. Mais dans le fond, on commence tout le temps le collectif en faisant un tour de table, parler d'actualité, parler de qu'est-ce qui nous a touché dans les dernières semaines. Qui se mouille pour débuter l'épisode 51? Moi, je vais y aller en dernier. Ah. Oh! Ok. Hein? Ben moi, je vais y aller en premier d'abord. Oh! Ok. Parce que si je parle, je vomis pas. Ça va peut-être... Prends une petite chope de bière, ça va aller mieux. Hashtag montagne russe. Il a trop testé les montagnes russes. Ouais, mais c'est ça un peu le problème. On va sûrement en parler tantôt. Là, mais tu sais, je voulais en essayer une. Puis anyway, on en parlait tantôt. Moi, je voulais parler un petit peu de jeux vidéo... surprise, mais pas trop surprise, mais pour moi, j'ai décidé de l'essayer, puis j'ai été vraiment mind-blown. J'étais... C'est les jeux vidéo la surprise ou c'est des jeux vidéo surprise? C'est un jeu vidéo que pour moi, je pensais qu'il était pour... Je décide de l'essayer parce que j'aime la compagnie qui le fait, puis j'ai été vraiment surpris, puis ça l'a suivi une nuit jusqu'à les petites heures du matin avec ma belle-sœur et mon beau-frère. À danser puis à faire des mouvements de main à l'écran. Ok, fait que c'est pas Duck Dynasty Fury. C'est Skylanders? Pas... Non plus. Oh. Je voulais essayer de deviner. Y a-t-il quelqu'un qui peut deviner? Candy Crush Saga Fudge DLC? Non, mais ça va être sûrement un démo qui va nous montrer. Fantasia! Et voilà. Moi, j'ai... Le festival de films d'horreur québécois? Non. Le jeu de Walt Disney avec aucune toune de Disney. Ah, ok! C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait aucune. Ben, il y a des tonnes du film Fantasia qui n'étaient pas des tonnes de Disney, mais en tout cas, il y a du Mozart, c'est pas comme j'ai ça. Vu le dans le marché Xbox, dans le fond, bien vite, puis j'ai vu de Fantasia, non, ok. Ben, je vais pas autres, plus loin. Là, c'était pas compliqué. On est en train de figurer quoi jouer, comme qu'on fait souvent dans les fins de soirée chez nous, avec moi, ma belle-sœur, mon beau-père, quand ils sont à la maison avec ma femme, ben, on joue des jeux, on va jouer Catan, puis après ça, on niaise avec d'autres choses. Mais j'avais téléchargé la démo de Fantasia, puis pour une des rares fois de ma vie, après avoir joué 2-3 démos, puis la démo, c'était vraiment, on s'amusait au bout, là. Au début, tu comprends le jeu, puis c'est vraiment comme, d'après moi, c'est peut-être, ça prouve que Kinect, ça peut fonctionner pour des jeux. Je m'attendais vraiment pas que ça soit à ce point-là. Mais aussi, faut que j'admette que je suis un peu fanboy Harmonix. Je joue à des jeux d'Harmonix de Pre-Frequency. Je capote qu'est-ce que Harmonix fait. C'est vraiment des dudes de Cambridge, vraiment écœurants à Boston. J'ai déjà passé en avant de leur studio une fois, cogné à leur porte, puis à la personne là. Puis c'était très awkward, mais je suis bien content d'y avoir été quand même. mais, tu sais, Harmonix, on se le cachera pas, ils ont popularisé le style guitare, le rhythm guitar, Guitar Hero. Parce qu'il y en avait d'autres avant. Ils ont fait le lead guitar aussi. C'est pas juste du rhythm guitar. Il y a eu du bass. Mais ils ont quand même fait comme... Tu sais, t'avais déjà des Guitar Freaks, des jeux comme ça, des jeux de Konami qui étaient un peu whack. Mais je trouve que Guitar Hero a fait le rhythm game vraiment être accessible avec la guitare. Puis je m'attendais vraiment pas à ça. Fantasia, on décide de télécharger la démo. On fait 2-3 tunes. Puis les tunes, c'est vraiment dur à expliquer. Mais c'est comme tu peux mixer tes chansons... Comme, c'est des chansons comme tu vas avoir Lady Gaga, je sais que whatever, là, t'as une des dernières tunes de Lady Gaga qui est dedans. Puis on est en train de jouer à ça, puis tu peux la jouer comme avec, tu peux choisir ton mix Calypso ou Drum and Bass. Mais faut que t'as chante ou tu danses? Non, dessus. Tu danses. C'est vraiment drôle, c'est comme en avant de l'écran, dans l'écran, t'as comme une vidéo, t'as quelque chose qui passe, t'es très interactif. Puis là, tu vois comme une note qui se promène. Puis quand la note, elle arrive à un certain spot, puis ça l'aide si tu regardes le stream en ce moment, parce que tu vois mes mains aller. mais comme carrément, tu vois comme un affaire. Puis quand tu vois une petite note ou un petit flash, puis quand ça arrive à l'affaire, ben tu bouges la main comme ça. Ou comme ça. C'est comme si tu dirigeais la musique comme un chef d'orchestre. Ben c'est ça, ça a un peu un mélange des deux. Puis t'as des différences à faire. T'as des affaires où tu pognes les notes, tu les attrapes en faisant un flick. T'as des punchs où ce que tu le fesses dans l'écran puis ça punch. T'as-tu le moment aussi où ton coude passe d'accrocher ta bière puis de la crisser à terre? Non, mais ça pourrait facilement arriver. Comme là. Comme là. Mettons le subtil, André. mais c'est ça, t'as des petites passes comme ça puis à la manière que la tune fonctionne aussi, c'est que à chaque... T'as un moment donné dans la tune où ce que tu peux switcher ton mix. Comme t'es vraiment en train de changer la direction de la musique. Comme DJ Roder avec le pitch control, que tu sais, d'un bord t'avais Run DMC, puis l'autre bord t'avais N-Trax. Tu sais que ça va super bien ensemble. J'essaie de figurer quel comparatif qu'il y a dans ce jeu-là. Ils ont fait André, une tune ensemble pour de vrai, par exemple. Ma somme. N-Trax. Tu N-Trax puis Run DMC. Oh, c'était pas Bring the Noise. Pour Judgment Day, genre, ou le coup de mort. En tout cas, c'est. C'est un dire, genre. C'est comme ça, comme DJ Hero, mais différent. Très bien dit. Mais moi, pourquoi je pensais que c'était un jeu de chantage en même temps? Hein? Je sais pas. En partant, ça m'a turné. C'est pas Just ça. Dance, là. Le... Moi, je pensais, quand j'ai vu ça, là, ben vite dans mon menu Xbox, Star. J'ai fait comme. Hein, un jeu de chantage. Disney, on chante. Je t'avoue que t'as de l'air wack quand tu joues. Mais je te suggère de l'essayer. Je te suggère de le montrer à ta femme. Martine, je te garantis qu'elle trippe un peu dessus. Puis nous autres, comme je te dis, on faisait les démos. Puis les démos, ils coupaient à la fin des tunes. Puis on était rendu qu'on était en train de juste essayer de battre nos propres scores. Fait que le half-tune, il y avait un score. Puis là, on essayait de juste se battre là-dessus. Puis finalement, c'était ma fête. Fait que ma femme, à un moment donné, elle stand. Puis elle dit, ben, tu sais quoi, ça va être tes cadeaux de fête. Après deux, trois verres de plus. Puis on a fait un DLC direct là, live. On l'a unlocké le soir même. Puis on a continué de jouer après. Mais j'étais vraiment impressionné par ce jeu-là. Là. C'était vraiment une surprise. Mais mettons, sur une note de combien de républicains ou de démocrates tu donnes à ce jeu-là, Eric? Ben, tu sais, moi, je suis toujours républicain. Fait que je vais donner 4 démocrates. OK, ooh. Excellent. Ouais, bon, mais 4 démocrates, mais un hispanique, un noir, puis un blanc, aux 4 républicains blancs. C'est-tu de même que ça marche vraiment aux États-Unis? Il te manque un démocrate, là. Non, je pense pas. OK. Non, je pense pas. Tu sais pas comment ça marche aux États-Unis. Puis, fait que c'est Xbox 360 ou c'est Xbox One? En fait, c'est les deux. Okay. J'ai lu un petit peu les critiques, puis j'ai remarqué qu'il y a vraiment un... parce que ça, c'est une autre note aussi du jeu qu'il faudrait que je voulais ajouter. C'était ma première vraie expérience Kinect Xbox One. Ça a l'air de rien, là, mais j'utilise le Kinect Xbox One chaque fucking jour, mm-hmm. mais pas pour un jeu. Non. Puis ça, c'était la première fois, même après avoir fait une couple de démos avec les Kinect Sports, des affaires comme ça. Ça, c'est le premier jeu où j'ai vraiment vécu l'expérience. Puis, au Xbox 360, ça a l'air que ça marche moins bien. OK. Ça a l'air que tu vois vraiment la différence entre ta Kinect 2 c'est et ta Kinect 2. C'est ce que j'allais dire, je suis pas mal sûr. Mais, Kinect est tellement mieux. Mais il y a des affaires vraiment cool, comme la manière que ça détecte que t'as deux personnes. Comme, je peux être en train de faire la toune, puis si quelqu'un, comme on va dire, si ma femme veut embarquer dans la toune avec moi, mais elle se met debout à côté de moi, on shake la main, puis elle apparaît dans le jeu. Okay. Tu sais, comme t'as des petites choses comme ça, ça qui sont vraiment cool. Hot, puis tu vois vraiment la Kinect 2 qui fonctionne à son plein potentiel. Faut-tu qu'elle choisisse un sport quand tu shakes la main? Ou... Non, juste shaker la main. C'est une poignée de main secrète? Ouais, mais les poignées de main secrètes, ça, c'est des choses que je pense qu'ils montraient dans DLC. Les démos, des affaires comme ça. Là. Yeah. Mais c'est vraiment comme si vous avez une Kinect, essayez la démo, au moins télécharge-la avec des amis. Tant qu'à moi, toutes les démos méritent d'être essayées. Mais c'est ça, je me dis, là, tu payes rien. Je vais peut-être l'essayer. Tu me dis ça, mais je te suggère d'essayer. Mais ils vont peut-être triper. À moins que tu sois contre du contenu gratuit, tu sais, parce que si t'es de ce genre de personne-là qui déteste les affaires gratis dans la vie, essaye-les pas. Ça dépend. Si c'est un album de YouTube, je suis con. YouTube Gate? Ça, c'est je l'aime en plus, moi je l'écoute à chaque jour quasiment. Je l'ai pas écouté. Tu l'as pas payé en plus. Mais non, c'est ça. Ben, il l'a payé, il n'y a pas d'iPhone. Ouais. Parce que t'avais mentionné qu'il n'y a pas de tune Disney dedans. Ouais, c'est parce que c'est Disney's Fantasia. Mais il y a une chose que je peux te confirmer, il y a du Disneyfication de toutes les tunes. Ah oui. Fait que tu veux entendre. Il y a un pénis caché. Je sais pas comment l'expliquer, mais imagine écouter. Bohemian Rhapsody, puis à cause que tu peux choisir les styles, ben les styles c'est pas comme random remix à la DJ Row là. Comme quand j'ai dit Calypso tantôt là, ben t'es carrément en train de voir une Under the Sea version de Bohemian Rhapsody là, un petit peu plus Sébastien, il sort de l'écran là puis il commence à faire ses maracas avec ses mains là. Puis ça c'est une référence de Little Mermaid, je sais pas si on est moi, je l'ai vu là, je sais pas, j'ai pas d'enfant. Merci Eric. Pas d'enfant, t'as quel âge? 34. Je l'ai vu quand j'étais jeune. T'as regardé ça quand t'étais kid, fais pas semblant. T'étais sûrement avec fait Ariel, à l'heure sur un dimanche après-midi. Avec Ariel, là. Oui, avec Sébastien qui fait un de si. Tu sais, avec les drums dans les bottes poubelles en métal. C'est ça, exactement. mais t'as comme. Tu sais, c'est le même qui change les tunes, c'est le même que le Disney rentre en jeu. C'est que les différents styles de les tunes de Disney populaires, ben, ils embarquent. Ils font les weirdest, comme tu parles de Anthrax puis de Run DMC là, mais fuck off Sebastian puis Lady Gaga ou Sebastian puis Queen, Pearl Jam puis Cypress Hill. Moi je suis à la trame sonore de Judgment Night. Je paierais pour entendre. Ouais, c'est toute la trame sonore de Judgment Night. André, je veux dire, la seule affaire je voudrais dire à part de ça, c'est que fucking Phase 12 whatever de Marvel là, Captain America Civil War, j'ai bandé. Comme, je pense vraiment comme ça a chubby un peu là, avec ça. Là. Il y a eu du mouvement. Ouais, exact. Il y a eu du mouvement. Je sais pas c'est quoi que t'as pointé là, mais. J'ai pointé le chat de Twitch où les gens parlent que l'industrie est déterminée par le porn. Ah, ben oui, donc c'est ça. Comme un peu un full circle de toi qui revient avec ton érection Marvel. Vous avez-tu vu les petits teasers qui ont montré de Captain Avengers 2 où ce que tu vois. Il y en a un qui est écœurant où ce que t'as Stark puis Captain America qui sont en train de parler, puis t'as Rogers qui est en train de couper du bois, puis t'as Stark en train de couper du bois avec un hache, puis tu vois qu'il y a une petite tension entre les deux, c'est carrément un build-up pour Civil War, mais à un moment donné Stark il call out Rogers comme pas avoir de dark side, puis Rogers il dit ben peut-être j'ai juste pas montré encore, puis tu vois que Rogers, il se pogne ses nerfs, puis la dernière bûche, mais il a fucking déchiré avec ses mains. Puis t'as juste comme Stark, là, qui est... C'est bouche bée, là. Faut que t'écoutes la scène. La scène est écœurante, puis ça te donne juste le goût de voir ça. Ouais. Fait que Fantasia, puis Phase 48 de Marvel. Allez pogner le trade paperback de Civil War, ça va être le meilleur 20$ que tu vas dépenser. Puis ça va être comme le film, sauf ouais. Spider-Man. Il doit être assez... Merci Sony. Je dis ça de même, parce que je l'ai chez nous, le Civil War complet, je pense qu'il est 158 numéros. Ouais, mais le fait que le trade, il est gros en tabarouette. Ouais. Mais c'est pas ce trade là. Moi, je parle juste du trade qui a la vraie arc, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Là. Ça va dans plein de... Moi, quand je lis Marvel Zombies, c'est les 117 numéros en ordre, puis ça part dans Fantastic Four, puis ça finit avec Black Panther, puis c'est pas juste les Marvel Zombies. Black Panther, ouais. Ouais, c'est Black Panther, mais il est en version plate, que tu peux dessiner dessus, puis le faire comme tu veux. Et juste en passant, Captain America gagne. Dans quand même. Déjà, je vais spoiler les 4 prochaines années de films Marvel. Jean-Luc, on va te demander de ramener le podcast à l'ordre. Si donc, Jean-Luc, bonne ton chance. Actualité, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi? Peu importe ce que tu as fait, regarde, partage avec nous. Ben, en fait, moi, mon truc geek de la semaine, c'est qu'il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Masters of Doom. Ok. Ça me dit de quoi, ça, le nom? J'ai vu ça. C'est part. L'histoire de id Software. Oh, shit. Fait que cool. Ça commence avec les débuts de John Carmack, John Romero. Fait que chacun chez eux, quand ils étaient jeunes, qui tripaient, qui essayaient de ramasser leur cash pour avoir un ordinateur, qui allaient dans les universités pour jouer, pour jouer avec les ordinateurs qui capotaient. Puis là, quand Puis le Carmack qui faisait des jeux chez eux, tu sais, sur des disquettes qu'ils mettaient dans des Ziplocs, puis qui envoyaient. Début du shareware un peu dans le fond. Exact. Là, puis carrément du biographique, dans le fond. Là, exact. C'est vraiment comment ils ont commencé. Wow, cool. Puis c'est deux personnalités tellement différentes en plus. Mais là je suis rendu qu'ils sont en train de développer Doom. Mais là, j'ai passé le bout Wolfenstein, Spear of Destiny, puis tout Captain Keen qui faisait avant. Puis là, il était plein d'anecdotes aussi parce qu'il travaillait avec d'autres mondes autour, puis avec qui il s'entendait pas nécessairement tout le temps. Fait que le... Avec le Cliff Bleszinski. Non. Fait que même avant, fait que t'avais des designers, puis t'avais quelqu'un qui trippait vraiment gore, mais qu'avant il faisait des Captain King qui était comme plus un truc de cartoon. Fait que là, quand ils ont dit, ben, est-ce que tu veux travailler sur Wolfenstein, puis il pouvait faire des affaires super gore, il a dit, hey, je vais y aller. Puis lui, il travaillait dans une morgue, je pense qu'il était photographe. Fait qu'il a vu plein d'horreurs, fait que c'était un peu sa façon d'exorciser ses visions, puis. Fait que c'est comme tout le début du shareware, puis la publication, leur premier succès, puis. Ça finit sur le succès de Rage. Rage, c'est écœurant en passant, don't hate. Rage, honnêtement, j'ai joué il y a pas longtemps, j'irais, c'est malade. Moi, j'irais plus la direction de Daikatana avec Romero, là, où c'est carrément planté. Daikatana, c'est. Tu sais, en anglais, ils disent under promise, over deliver. Ouais. Mais lui, il l'avait pas compris comme ça. Ben, sais-tu quoi, je pense que c'est un problème d'ego, là. Je sais pas si tu... Moi, le livre, ça m'intéresse au bout, mais je connais quand même un peu leur histoire. Ouais. J'ai toujours pensé que Romero, c'était vraiment un gars qui était sale fucking coche depuis qu'il était jeune, quand ça venait à faire des jeux. Je me trompe pas, je sais pas s'il était dans le livre, là, mais je me rappelle, j'avais entendu parler une fois que comment est-ce qu'il y a eu une de ses premières jobs, c'est qu'il a carrément, pendant un show de CES ou quelque chose comme ça, il est arrivé avec un recode d'un démo que lui avait tout recodé les graphiques d'une application où ce que les autres ils savaient même pas que ça se compressait à ce point-là encore pour pouvoir voir les couleurs comme qu'ils avaient mis, puis qui est arrivé là avec une clé USB, puis c'est une clé USB avec un 1.44 ouais. Puis il s'est quasiment comme fait engager direct là ou après. Ils ont fait comme dude, t'as compressé 3 disquettes en une, malade. Mais t'as-tu déjà vu Romero, man? Comme Romero des années 90, c'est une rockstar, c'est un fucking rockstar. Il y avait la queue de cheval dans le milieu du dos, il était hot. Puis lui, ce qu'il voulait là, c'était vraiment se construire un studio écœurant qui est on top of the world pis tout. Pis quand Carmack, c'était comme, ben, en autant que j'ai assez de cash pour m'acheter du coke pis de la pizza pis de faire mes jeux pis c'est bien correct, pis fait c'est pour ça éventuellement que ça a clashé. Mais Romero, au moins, il a réussi son rêve de refaire un Gauntlet. C'est bon, ça. Mais The Seven Swords, en tout cas, qui était rendu. J'ai mal au cœur. C'est pas à cause de tu biographique ou autobiographique? C'est biographique, c'est pas eux autres qui ont non, dit. Non, je me rappelle pas du nom de l'auteur. Là. Fait que tu vois les comment dire ça, les dark side un peu aussi. Oui, les chicanes qu'ils racontent, les problèmes qu'ils ont eu avec leur éditeur. C'est autobiographique, des fois, tu sais, ils se mettent ça beau. Ouais. Non, coupe ce bout-là. Puis là, t'as un bout que Carmack, il trouve comment faire du side-scrolling sur PC. Parce qu'il dit, dans le temps, t'avais juste Mario, puis c'était juste sur console. Les PC étaient pas assez forts. Fait que là, il a réussi à figurer comment avoir en dehors de l'écran, avoir une ligne, mettons, qui était renderée en même temps que le screen principal. Fait comme ça, tu étais capable de scroller personnage. Puis une des premières affaires qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont fait Mario sur PC pour essayer de le montrer à Nintendo, puis essayer de vendre, puis plein de petites anecdotes de même. Puis Carmack qui te sort des algorithmes de fou pour faire des nouvelles affaires que les gens ont jamais pensé, ont jamais été capables de faire. C'est... Mais quand tu le parles, juste la technologie, même pour revenir à Rage, là, même si ça n'a pas pogné au bout, la technologie est assez folle dans ce jeu-là. Ouais. Mais, c'est encore impressionnant. Même en fait. À ce jour, c'est que plus que ta machine va pouvoir donner à ce jeu-là, plus qu'il va l'exploiter. Ouais. Juste une machine récente, puis une shot que tu tapes tout ça dans le tapis, c'est quand même assez impressionnant. Oui, il y a une limite aux textures, mais c'est fou, là. Je pense que id Tech 5, c'est la flexibilité en arrière de tout ça qui est vraiment écœurant. Ben, juste les démos qu'ils montraient justement sur iPhone là, dans le temps, là, tu regardais ça, puis c'était comme, ok, attends, je peux jouer à un genre de Quake Rage sur mon cell. J'ai Rage sur mon iPhone 3. Mais en fait, celui... l'iPhone que tu m'as donné, là, l'iPhone 1, là, je pense que c'était là. Puis t'avais le jeu de Rage dedans, puis c'est comme. C'était weird là, comment ça jouait, mais graphiquement là, c'était mind-blowing. Là. Puis tu jouais à ça, c'était comme, vas-y, je suis en train de jouer ça sur un petit téléphone. Le Rage ça, version là. Stickman là, sur le... Ah, la paix, c'est que c'était même pas Stickman. Non. Fait que Masters of Doom, dans le fond, tu pognes ça pas mal n'importe où, tu pognes ça en librairie. J'ai pogné sur iBooks. Pas chez Renaud Bré, parce que eux autres, ils vendent juste du maudit livre français. Mais c'est... sûrement chez Archambault. Ouais, probablement. Je pense qu'ils vendent l'anglophone, eux autres. Merci, messieurs. Mais sinon, à part Masters of Doom, t'as-tu d'autres choses qui s'est passé? T'as-tu... En fait, j'ai recommencé à jouer à Mass Effect. Oh! Oh, tu étais dans le corps d'André, là. Ouais, ouais. J'ai deux bras dans les airs, je suis bien content. J'avais joué à l'époque, mais je l'avais jamais fini. Puis je m'étais acheté la trilogie quand il l'avait sorti. Corps, ouais. T'as reparti du 1? Ouais, j'ai reparti du début, je me suis fait une femme-chef, puis je recommence, là, j'ai recommencé hier, fait que... Je me disais, avec les vacances de Noël et tout, ah ouais, je vais essayer de finir. Le pire, c'est que j'écoutais hier un petit documentaire sur YouTube. C'est Boom Cosplay ou quelque chose de même. Puis le gars, il parlait de ça parce que BioWare est une des compagnies les plus réputées pour travailler avec la gang de cosplay. Voulant dire qu'avant même, mettons, comme Dragon Age Inquisition qui va sortir... Ben, ils ont envoyé des dessins puis du artwork à la communauté en disant, ben, ok, vous voulez savoir comment sont faites les costumes? Ben, tu sais, t'es pas obligé de juste t'inspirer du screenshot qu'on te donne. Non, non, on voit le personnage de côté, de dos, ouais, les grandeurs, les affaires de même. Puis, tu sais, c'est comme, il interviewait du monde, ça dure à peu près 15 minutes. Faudrait que je trouve le lien puis je le mette sur la page du collectif. Puis, tu sais, t'as, mettons, un shepherd, que c'est une femme noire avec un shepherd avec un armure camouflage. T'en as un autre, c'est une femme blonde, un asiatique super musclé. Tu sais, puis tout le monde disait, moi, BioWare, ce qui m'attire, c'est que le personnage, je le fais à mon goût. Puis je le joue le jeu à mon goût en faisant mes décisions. Mm. Puis ça reflète beaucoup dans la compagnie du cosplay. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça cool qu'ils inspirent comme ça que, tu sais, leur jeu, le monde non seulement trippe à le faire, mais en plus, c'est que ça inspire toute une culture de cosplay autour. Puis tu sais, c'est malade, il y en a une justement, c'est Kessel Run, une fille que j'avais rencontrée au E3 une couple d'années. Et dans le documentaire, puis je savais même pas, mais là, je fais comme, fuck, c'est-tu Mary ça? Puis elle parle, puis elle a fait des costumes de sari dans le fond. Pas le chanteur R&B algérien, je pense, mais les SRE dans Mass Effect, là, ceux qui ont comme des tentacules bleus pis de kit, puis ça a un costume vraiment bien fait. Puis à chaque fois qu'ils vont dans une convention BioWare, puis ils font un panel, puis on l'avait vu à Montreal Comic Con, ils ramassent le monde déguisé dans leur personnage, wow. Puis ils font comme, hey, viens-t'en, on fait un panel à telle heure, on veut t'avoir dans le boot, on veut que tu viennes avec nous, ils font monter sur le stage. Fait que tu sais, c'est... Je trouve ça cool, puis à chaque fois, tu sais, c'est con, tu m'as dit tout à l'heure, tu sais, on était dans la cuisine, puis il joue à Mass Effect, c'est possible, j'étais comme, yes, quelqu'un qui joue à Mass Effect. Ben, je trouve ça cool que le monde découvre ce jeu-là. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai joué. Ben, je sais que tu l'as joué. Je sais que tu l'as joué. Il y a juste Milter qu'il faut qu'il le fasse. Non, moi, j'ai regardé quelqu'un le faire au complet devant moi. Ok, t'as les 50% trois. Des props, mon Milter. Parce que moi, puis la Spouse. Ouais, mais il a fait ça pour Dark Dynasty aussi. Là, oh. Non, j'ai pas regardé sur Twitch. J'ai déjà regardé, c'est quand que j'habitais dans un appartement avec mon ancien coloc. Ils ont tout fait devant moi. Comme Oblivion, je pense que je peux dire que j'ai plus d'heures visionnées que plusieurs personnes qui ont fini le jeu à répétition. J'ai vu mon coloc jouer, je pense, deux personnages au-dessus de 150 heures chaque. C'est le fun, Star, au complet. T'as Twitch pour ça aussi. Ouais, ouais. T'sais, t'as Twitch pour des fun. Podcasts de qualité comme nous, là. Oui. Mais t'as Twitch aussi. Tu peux aussi regarder du monde qui joue. Ben, c'est ça, tu peux regarder du monde qui joue. S'il n'y a pas de podcast. Parlant de jouer, les gars, je me suis senti un peu plus près de vous autres cette semaine. Oh. Ah. Ils ont fait un update sur ma PS4. Oh. Oh. Puis là, ben, j'ai parti ma PS4, j'ai dit PlayStation. Toutouk. Destiny. Puis là, il est parti. Je suis rendu avec la reconnaissance vocale. Ouh. Fait qu'après un an, ils ont décidé que c'était finalement cool. Non, ils ont juste décidé de pitcher là-dedans. Puis ils ont rappelé le standby mode en rest mode. Puis ils ont changé deux, trois petits cossins. Puis Il y a, honnêtement, il y a la fête pas... TV aussi, ça se peut dire. Mais il y a une fonctionnalité qui est quand même vraiment cool. Et écoute, c'est... Mais c'est très cool, le voice command. Ben, le voice command, honnêtement, je m'en sers pas. Mais je tu l'ai. Vas t'en servir. Tu vas t'en servir. Ça va venir. Ça tu va pas venir. Nous le dire. Fait que, non, mais c'est pas que j'ai essayé, mais tu sais, c'est comme, honnêtement, le temps de dire PlayStation, pis telle affaire, j'ai déjà ma manette dans les mains. Fait que tu sais, à la limite, c'est comme... Attends que la manette soit bien loin, mon nez, là. Tu vas voir que ça va être moins long. Je vais mettre mon casque, j'ai pas de caméra PlayStation. Ah, whatever. Mais bon, okay. Voice, ok, on comprend. Mais je l'ai à Star, fait que peut-être que ça va révolutionner ma vie. Oui. Mais je me sens. J'ai vraiment pensé à vous autres, j'ai fait comme. Bon, mais j'ai du voice command. Non, mais tu le saurais jamais avant que tu vas à Xbox Watch Space. Ouais, mais moi, il y a une affaire, par exemple, que j'aime bien. Puis... Xbox Pause pour aller pisser. J'ai testé SharePlay. Avec quel jeu? SharePlay. Je voulais. Non, j'ai. Attends, j'ai-tu testé? En tout cas, Destiny, j'étais dedans, puis. Non, j'ai pas testé, j'ai pas pu tester, mais j'ai parti l'option, excuse-moi. Asti, c'est vrai, ça a pas marché. Mais anyways. Je viens de voir un commentaire de Michael Larouche, conservatoire rétro, fait dire que la commande vocale pour partir un jeu sur PS4 est là depuis le début, André. Fait que là, la reconnaissance vocale est peut-être là pour d'autres choses, mais ben, pour écoute, les jeux, étaient là depuis le début. Sais-tu quoi? Ce qu'ils ont changé de base, c'est le tutoriel, parce que quand j'ai pris ma PS4 la première fois, ils me le disaient pas, mais là, je l'ai su, je fais ah, bon, ben cool. Mais non, c'est ça, fait que SharePlay, j'ai pas pu le tester, mais j'ai vu des vidéos qu'on concept, c'est quand même cool. Dans le fond, t'as le share button, ça manette de PS4, tu peux partager un screenshot, tu peux streamer sur Twitch, t'as quitte. Mais là, t'as un mode SharePlay qui est, mettons, moi, je suis en train de jouer à un jeu puis Milter, tu fais comme, hey man, ça a l'air cool. On peut se faire un genre de Twitch privé, où ça nous parle un party, puis tu vois mon écran. Puis moi, je contrôle, puis on parle avec notre voix. Puis là, maintenant, tu fais comme, Chris, ça fait 8 fois, André, que tu meurs à telle place. Laisse-moi dans le passé, cette boîte-là. Ah, OK. Share, tu prends le contrôle du jeu de chez vous, de sur ma console, fait que je te stream mon jeu, puis tu joues jusqu'à une limite d'une heure. Fait que tu peux le streamer pendant une heure. Mais t'es pas obligé d'avoir le jeu. Mais t'es pas obligé d'avoir le jeu. J'ai besoin d'avoir une connexion Internet pour ça? Oui. Astique, c'est la mort. Ouais, c'est vrai. De l'astique Internet, même. Je peux pas croire qu'en 2015, bientôt. C'est moi qu'on demande d'avoir Internet. Qui fonctionne juste avec Internet. Mais là, tu sais, cool, je lisais des articles là-dessus cette semaine, ben j'ai vu la fonction, j'ai fait comme fuck, c'est cool. Puis, t'as un gars sur Kotaku, il dit la première affaire, c'est que tous les journalistes sont en pièce. Puis là, Sony annonce la nouvelle fonction. Puis là, le SharePlay, tu t'inquiètes. Puis tout le monde s'est regardé, puis c'est comme ok, comment qu'on fout le système avec ça, tu sais. Fait que, ouais. Techniquement, un jeu de 8 heures, mettons que ça prend 8 heures le finir. Milter pourrait jouer le jeu au complet sur ma console à coup de session d'une heure que après une heure ça déconnecte puis il se reconnecte tout de suite. Mais c'est ce que j'allais te demander. La seule affaire, t'as pas de trophée par exemple. Il y a pas de limite. T'as une limite d'une heure. Ouais, mais je veux dire, il y a pas de limite. C'est ça, de nombre de fois que je me connecte sur ton SharePlay. Puis y a-tu un laps de temps, genre il a joué une heure, faut qu'il attende 5 minutes. Le buffer. T'sais. C'est ça, fait que t'as même pas besoin d'attendre, t'as quitté, pis c'est SharePlay, pis ça, je trouve, c'est une fonction qui est cool. Ça save-tu? Ben, ça save sur ma console à moi. Ouais, mais. Ok. Parce que quand tu joues, c'est comme si tu jouais. C'est comme pas que ça perde. SharePlay, là, c'est l'équivalent de t'es à côté de moi dans le sofa, pis je te passe la manette. Ok, ouais. C'est cool, 100% ça. Pis ça, j'ai trouvé ça cool, honnêtement. Mais ça revient un peu au tu sais, pour crosser le système, là, comme tu parles depuis tantôt. Je peux dire que je pense qu'on l'a mentionné dans un autre épisode, moi pis Rick, que la crosse d'Xbox One pour faire ça, c'est que moi je vais chez Rick, ouais, pis je dis comme family, this is my home console, pis Rick vient chez nous, il dit ça c'est mon home console, pis chaque jeu que moi je vais acheter numérique naturellement, il va pouvoir le downloader aussi gratuitement et vice versa, et pas pour un coût d'une heure. Ah, mais il faut que j'achète le jeu au complet. Mais c'est un peu le but. Numérique encore. Le Family Share, c'est un petit peu ça le but que ce que Microsoft va ajouter. Ben, mais c'est quelque chose qu'il y avait d'annoncer au début qui a été coupé. Qui a été coupé parce qu'il fallait plus prendre l'Internet. Mais là, c'est. Ça fonctionne un à un, genre. Ouais, ouais. Fait qu'on peut le faire. Il y a bien des fonctions comme ça. Le Steam, ils l'ont, qui fonctionnent très bien encore. Mais il y a beaucoup, je trouve que. Mais c'est cool. C'est des affaires que ça revient un peu à des basics du jeu. Moi, j'ai trouvé ça hot, tu sais, puis au début, il l'expliquait, j'étais comme, SharePlay, c'est quoi? Puis le marketing de Sony est fort cette année. Je leur donne ça, là, tu sais. Microsoft, la console est cool, le marketing de Sony est fort. C'est quoi SharePlay? Avant, t'étais deux dans un sofa, tu passais à la manette, c'est la même affaire par Internet. Puis tout le monde en fait comme, OK. Fait que tu sais, c'est très facile d'approche. Moi, j'adore quand Sony explique des choses, tout le monde soit comme « Ah, cool! » Il avait même fait la vidéo pour niaiser un peu Microsoft, là, avec ouais. Yoshida Son et tout, qui faisait juste « Voici comment ça marche! » Puis il faisait juste donner le jeu versus Xbox, que là, c'était une question de droit. Mais de... c'est ça qui arrive, c'est que Xbox, c'est le gros incompris du jeu vidéo depuis 2 ans, là, que... C'est comme, leur concept est incroyable, il est super message, fun. Man, il parle à... Mais depuis que Phil Spencer est arrivé, il a simplifié bien des affaires, puis il est vraiment cool. Là. Comparé à l'autre d'avant, là, il parlait pas aux consommateurs. Ouais, avant, il parlait au gars, ouais, l'acheteur, puis ouais. le gars d'entrepôt. C'est pas lui qui parle. Faut que tu parles aux consommateurs. Puis... C'est ça qui est le fun. C'est bon, ça. Je suis content, moi, pour ça. Puis autant Microsoft puis Sony essayaient de faire juste du digital et tout... Mais là, les gens à la maison sont pas prêts. Fait que là, au moins, ils ont dit « Ok, on continue de faire physique et digital. » Mais il y a le côté pas prête, mais il y a le côté aussi que... Moi, je le mentionne souvent quand on parle de ça. Il n'y a pas de réel avantage encore. C'est ça. J'achète un jeu à 65$, je vais l'échanger au microplay 2-3 semaines, un mois plus tard, j'ai entre 25 et 35$ pour en échange contre un autre jeu. Fait que mon prochain jeu me coûte 30$. Tandis que là, je l'achète numérique, il me coûte 65 pareil, il me prend de la place dans mon hard drive beaucoup plus que si je fais juste l'installation. Le temps aussi, Milter. Gars, j'ai eu, moi, Last of Us gratuit avec mon PS4 quand je l'ai acheté. Là. C'est 50 crises de gigs. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'arrive à la maison, plug la console. Puis... Tu peux pas jouer tout de suite. Là. Tu claquettes, puis je l'ouvre, je fais « Ah oui, c'est vrai, il donne plus les disques avec. » Ah, dans l'autre. TGV 60. Ça va rentrer au poste, ça. Puis ça a quand même pris une couple d'heures. Mes amis qui ont acheté Call of Duty, là. Il mange un update de 20 gigs d'un dent, man. En rentrant. Il paraît qu'il est bon, Call of Duty, par ben, exemple. Ben, j'ai pas joué, mais il paraît. J'ai essayé, honnêtement, là. Il a l'air cool. Parce que. Ils ont... L'annonce est bonne. Je dis seulement, je l'ai vu dernièrement. Je l'ai ri, là. J'ai hâte de jouer à Kevin Spacey. Kevin Spacey. Mais il disait que la performance était un peu différente. Tu sais, si des trucs que là, il a acté, puis c'est dans mon cap. Là, c'est bon parce qu'il était dedans. Mais c'est juste des briefings qu'il donne, puis c'est lui qui parlait comme enregistré dans un. Avec dans un studio bouge, assis, là, que là, tu sais, il est pas aussi hot que ça, sa performance, parce que, veux pas, il était pas dedans autant. Ouais. Ben, ça, puis j'imagine que c'est comme ressob dans un sens, là, c'est juste une communication radio du jeu, là, si on peut dire. Là. Que, ouais. Mais toi, t'avais une actualité, je pense. Ouais, ça. Ben, je n'ai. En parlant de réalité virtuelle, je n'ai une couple de petites vites, là, fait que c'est. Qu'est-ce c'est que pas, tu détestes cette semaine? C'est. Non, rien. Ben, non, il y a de quoi, ça va venir tantôt, c'est vrai. Ça en aussi. En tant que, tu sais, expert en réseaux sociaux, gestionnaire de communauté web, spécialiste en réseaux sociaux, j'ai l'opportunité de tester beaucoup d'apps. De téléphone, puis de conneries de même, genre parce qu'il y en a, tu sais jamais, qui peut être utile dans ton travail, tu sais, puis... Comme Snapchat. Snapchat, très... une des plus utiles de toutes dans mon travail. On envoie du spam avec ça à tout le monde, c'est écœurant. Mais c'est une affaire qui s'appelle Wakie. Oh. W-A-K-I-E.com. Il est plus facile à trouver sur le site. Quand... C'est un walkie-talkie? Ça? Non, check bien ça, c'est encore plus fucked up que ça. C'est moi, je vois ça comme un Facebook mélangé avec Snap Roulette. Snapchat Roulette, tu me fourrais avec ton Snapchat. Avec Chat Roulette, Facebook, mélangé avec j'ai de la misère à me réveiller le matin, puis je veux que ça soit original. Un truc pour Milton. Un alarm clock, Facebook, fait chat roulette. Fait qu'eux, ils ont vu 1,7% de population puis ils se sont dit, on va le chercher. Là-dedans, on fonce va dans ce 0,7%-là. Parce que dans la vie, OK, eux autres, comment ils ont déterminé ça? Il y a deux styles de personnes. Il y a deux types de personnes. Ceux qui se réveillent puis ceux qui dorment. Ceux qui veulent se faire réveiller parce qu'ils sont pas capables de se réveiller tout seuls ou avec le réveil matin sonne jamais ou tu sais cette excuse-là. Là. Et ceux qui prennent un plaisir à réveiller des gens. Fait que t'es les deux. Toi, t'es quel style, là? Moi, je me réveille bien. Moi, je suis aucun, sérieux. C'est pour ça que ça me sert pas à grand-chose, cette application-là. Mais c'est spécial. Fallait que j'en parle, parce que d'habitude, les autres, c'est comme bien normal, là. C'est Hello, là, qui essaye d'être hot, puis que ça marche pas. Puis eux autres, ils ont, comme André dit, un peu, tu sais, ils ont ciblé une niche, là. Puis on dit, on fonce dedans direct, t'sais. Fait que toi, t'as de la misère à te lever le matin. Tu te downloads ça, puis tu te dis, moi, je veux qu'à 7h du matin, quelqu'un... qui me réveille. Tu sais, il y a quelque chose qui me réveille. Fait que tu sets ton application, ton profil, 7h moins, ça me réveille. Il y a du monde qui ont cité l'option, eux autres, moi, je veux réveiller du monde. Fait qu'il y a quelqu'un, mais l'affaire, c'est que tu sais pas, il vient d'où, là. Il est peut-être à Montréal, il est peut-être au Tennessee, il est peut-être en Floride, tu sais. Fait que le gars, lui, il est 2 heures de l'après-midi, puis toi, il est 7 heures. Ça, c'est une vraie application, wow. Windows Phone, Android et iPhone. Tu sais que c'est vrai quand fait Windows, il est déjà... Quand Windows Phone est là, c'est parce qu'il n'y a pas... Mais Eric, il cible 0.7% de la population. Cible tout le monde. Leur 0.7% va avoir au moins Windows Phone. Il y en a... Tout le monde. En passant, c'est 12%. Ah, OK. Mais, OK, gars. Là, toi, t'es un de ceux qui veut réveiller. Fait que toi, t'as une notification. Un moment donné, nowhere. C'est tout random, là. C'est ça qui est écœurant. Toi, t'as 7 heures à 7 heures, un gars, en quelque part, à 7 heures, qui est ton 7 heures, peut-être ouais. Son 2 heures à lui, ou peu importe. Il est importe, peut-être en train de travailler. Puis... Tu le sais pas, il est où, là. Ouais. Il reçoit une notification sur son cell, puis là, ça dit, André, il veut se faire réveiller à 7 heures. Tu veux-tu le réveiller? Fait que tu fais oui, parce que ton but, c'est de réveiller des ouais. gens. Fait que là, le téléphone, il sonne. T'as une minute, pendant une minute. Si après une minute, il sonne, il répond pas, là, l'autre, ben, gars, il dort, too bad, c'est okay. plate pour toi, tu peux pas réveiller quelqu'un. Mais, en dedans d'une minute, il répond, puis tu le réveilles à ta façon. Ça te coûte-tu un interurbain? Ça coûte fuck all rien, c'est tout fait Wi-Fi. C'est juste, attends, c'est de la voix ou du vidéo? C'est de la voix, c'est de l'audio. Fait que, tu peux faire un test, là. Tu peux le pogner puis te mettre des alarmes à tous les 5 minutes juste pour voir, tu sais, même si tu dors pas vraiment, ça juste pour voir comment. Wakey, W-A-K-I-E. Check-les sur wakey.com à place de. J'ai de la misère à le trouver dans l'App Store, mais je passe par leur site. Fait que, tu sais, tu pognes quelqu'un que. La dernière fois, moi, quand j'ai testé, il y a quelqu'un qui a. Il a pas parlé ou de quoi. C'était. Il respirait dans le téléphone. Non, c'était With Arms Wide Open de Creed. Qui est parti. Fait que. Faut y voir. Hey, ça te start, man. C'est ça, tu sais. Fait que, tu peux t'en servir comme alarme. Tu sais, genre, j'ai un meeting à 2h15. Fait que je vais mettre à 2h. Tu sais, juste me rappeler ou de quoi. Rappelez-moi que j'ai un meeting à 2h. Genre, tu sais, mais en gros, c'est réveille-moi. Fait que, tu sais, il y a du monde, il parle, petite voix douce. Ouais, tes petites bouts. Ouais, ah, moi aussi. Ah, ben. C'était juste un test comme. Ah, OK. Tu viens d'où? Mais là, tu parles pendant une minute. Tu parles un petit peu bien vite, puis il te réveille. Là, mais là c'est bidirectionnel, ça? C'est Wi-Fi, là, genre bidirectionnel. C'est un peu creepy, ça. C'est très creepy. Hein? C'est spécial. C'est ça, c'est comme un chat roulette. Ouais. Tu sais pas c'est qui va te réveiller, puis comment. Tu sais pas quand est-ce que tu vas te réveiller, puis tu vas entendre des bruits bizarres. Genre, exactement. Tu sais pas, c'est ça qui te réveille. Je pense qu'il n'y a pas de vidéo. Exact. Ben, tu sais que ça va venir. Ah, c'est si clair. Si on fait ça, c'est parce que tu vas te faire réveiller random. Fais-le, invente cette app-là de Milter. Oh. Même chose, mais avec des vidéos. Mets un alarme, on veut se faire réveiller dans 20 minutes. On le met en onde. I'm on it, on va l'avoir tantôt. Là. Puis, ben, c'est ça, mes deux autres actualités. Dans le fond, tester Wakey, c'est drôle. Mais là, toi, en termes de spécialiste médias sociaux, as-tu une invitation pour Inbox de Google? Pourquoi ça? La nouvelle application. Ah, pour le. Non, j'ai pas eu encore. Je vais contacter mon rep de Google. Inbox, c'est pas Gmail. Ouais, ils ont pas une nouvelle application Google justement pour mieux gérer tes courriels. Puis mettons, si t'as tendance à recevoir des confirmations de vol, ben ils vont t'y mettre ailleurs pour que justement ça te pop-up d'en face. Puis je vais checker ça. Ils ont linké vraiment à Google Now qui disait là, justement pour avoir plus un. Ben déjà, Google Now qui me fait peur là. C'est genre que je me parque, puis là, après ça, j'arrive au bureau, puis là, c'est comme « Hey, tu t'es parké à telle place? » D'où? Je t'ai pas demandé de me surveiller, là. Fuck you, Big Brother, OK? Mais ouais, non, ça a l'air que c'est exactement relié comme ça. C'est que pour aider beaucoup plus l'intégration de Google Now, ouais. Il va classifier les choses. Mais il avait commencé à le faire dans Gmail, quand t'avais, mettons, justement, tout ce qui était social, promotion... Ouais, le mais là, c'est comme. Ben, moi, comment que j'ai vu ça, c'est qu'ils vont juste plus filtrer, classer pour toi, automatique. Ben, tu vois, moi, je suis abonné à Unroll Me. Okay. Unroll Me, qui est gratuit, dans le fond, qui filtre ta boîte de courriel. Fait qu'il va voir, quand t'es dans des newsletters ou des affaires de même, il va te les filtrer. Fait que, mettons, tu vas avoir un onglet technologie, telle affaire, puis il le fait automatiquement. Puis t'as des affaires même, puis moi, un des avantages que j'aimais d'Unroll Me, c'est que tu peux faire unsubscribe à même Unroll Me. T'es pas obligé d'aller lire l'email en bas, cliquer, remplir. Tu fais juste. Unsubscribe, puis eux autres, ils font tout pour toi à ce moment-là. Fait que ça fonctionnait super bien, mais j'ai hâte de voir justement le nouveau Gmail. Juste là, c'est Lollipop, je pense, 5.0, que les critiques ont commencé à sortir, puis tout le monde dit que c'est malade. Ah, ouais. La inbox de Gmail, je trouve qu'elle évolue très bien. Ben oui, elle évolue rapidement aussi. Un petit peu, là, elle évolue bien, puis elle est très intelligente. C'est au fur et à mesure qu'ils lisent tes courriels. Ouais. Moi, je m'en... En tout cas... honnêtement, moi, là, ils peuvent les lire, mes courriels, j'ai pas... Avec la publicité ciblée. J'ai pas grand-chose. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, à la limite, s'ils m'envoient une pub par après, regarde, si j'ai un 50% de rabais chez Sport Expert, après, là, ils vont s'être trompés en crise. Mais si j'ai un 15% de rabais à Cage au Sport, là, tu jappes. Ouais, SAQ. Ouais, SAQ, ben, SAQ, je m'ostinerais pas non plus, tu sais. Oui, j'ai jamais compris le monde qui chiale, c'est la publicité ciblée. C'est comme, j'aime mieux voir des pubs de gaming ou quelque chose de même qu'une astuce d'affaire de club de marde que je vais pas aller ou de tu sais, de, je sais pas. Moi, c'est Amazon. Je cliquerai pas plus dessus pour l'acheter, mais j'aime aussi bien voir ça. Que... Amazon, c'est des enfoirés parce qu'ils savent exactement comment te faire dépenser. Ouais, ben c'est ça. Tu cherches chose, quelque chose là. Sur Amazon, tu dis ah oh non, oublie ça, je l'achèterai pas. Puis là, t'es sur une page, puis là, nowhere, t'as une publicité Amazon, l'item que t'as cherché, tel prix, puis tout, va le chercher tout de suite. Puis. Free shipping, puis 15% de rabais, mais tabarnak. Ils sont efficaces. Amazon Now, Amazon Prime, puis livraison le lendemain. Avant que Milter il finisse ses nouvelles, là, je voudrais juste publiquement dans le show le féliciter pour son costume de virus à Halloween. Ouh. Ah, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. Mais ça avait pas rapport. Moi, je pense que ça n'a pas rapport, mais ça doit être noté que moi, tu m'as impressionné, ouais, c'était Halloween. J'ai été viral pas mal avec mon costume d'Halloween. Viral là, Québec. De Guy Turcotte. Là. On a-tu mes photos sur la page Facebook du collectif? Bon, il n'y a pas de photos sur la page pas du collectif. Mais ça page de Milter. Sur mon profil public ou sur... plein d'autres pages Facebook. Là, j'ai été partagé par Buzz Bonin qui m'a fait exploser mes inbox de menaces de mort. Pas Bonin en tant que tel, lui, il trouvait ça bien drôle, ouais. Mais sa clientèle, ses fans, il y en a beaucoup qui ont pas catché à joke, puis j'ai beaucoup de menaces de mort. Il y a du monde qui ont dit que je méritais d'être en prison pour me déguiser en Guy Turcotte, mais je trouvais ça drôle parce que le vrai n'est pas en prison et moi, je devrais l'être. Fait que c'était spécial. Mais pour revenir à mes actualités, merci Eric pour ces félicitations-là. Mais je voulais juste... C'est des rap awkward. On dirait qu'il sent coupable un peu. Non, je me sens pas coupable partout. J'essaie de penser l'année prochaine comment je peux taper ça. Fait que j'espère qu'il va y avoir quelque chose de vraiment grave qui va arriver au Québec cette année. Tu pourrais te déguiser à Magnota puis te promener avec l'antenne. Ben, je sais, ça serait pas pire. Il faudrait que je m'arrange avec Sam. Ouais. Sam, notre auditeur asiatique. AZN. Ok, fait que t'avais deux sujets avant qu'on parle. Ben, c'est un tout petit sujet. C'est comme devenu une habitude, je pense, que dans mes actualités, à peu près à tous les deux épisodes, je parle du jeu gratis Xbox Live, genre, puis je me colle sur le 360 parce que je joue plus, là, c'est rendu du rétro gaming, ça, pour moi, là. Viva Pignata, c'est cool d'avoir, je suis bien content c'est d'avoir C'est Viva Pignata c'est qui est le gratis? C'est deuxième Trouble in Paradise. C'est très bon, de bord, je les ai toutes encore en CD chez nous, ma blonde a triple là-dessus, puis je joue avec, fait que pognez-les, c'est bon. Mais c'est du rétro gaming, là, ça, le 360. Là, sur le One, c'est pas du rétro gaming. Non, non, sur mais Xbox non, One, c'est pas du rétro gaming. Ouya re-release. Mais, mais le jeu gratis, c'est Vulgar, Vulgar, V-O-L, André. Ah, d'accord. G-A, là, il y a un certain nombre de A, que je me souviens pas combien exactement, R. C'est plate en tabarnak, là, puis ils ont beau le donner gratis, c'est comment je peux dire ça? C'est pire que... C'est quoi le jeu du Sega Genesis, le Beastman? Beastmaster. Altered Beast. Beast. Oh. C'est pire qu'Altered Beast, on dirait. Si tu joues, Non, ça a son charme. Ouais, le charme que tu meurs après 15 secondes, puis tu recommences à tuer 15 secondes, puis c'est plate. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'ils te donnent genre un jeu comme Guacamelee, ou même Chariot, là, en tout cas, qui est sorti, qui est quand même une bonne qualité. Puis après, il te garoche Vulgar, puis tu fais comme « Ah, pourquoi? » Puis en plus, vous me laissez, c'est pas Crimson Dragon là, qu'ils ont laissé encore, mais ils te laissent un autre jeu qui était là l'autre mois. Je suis comme « Come on, guys. » En plus, à l'approche des fêtes, là, il me semble que c'est le temps pour commencer. C'est le temps de donner ta shit. Moi, je suis sûr qu'ils vont le faire plus en janvier. Sais-tu pourquoi? Parce que là, ça va être le temps que tout le monde va acheter une console. Puis ils vont donner un paquet de jeux. Ben ça, puis les années fiscales des compagnies, ils vont finir, fait que ils vont finalement pouvoir donner Worms pendant un mois à place de le baisser à 14 au lieu de 25 parce que je veux payer 25$ pour Worms encore une 15e fois, genre, qui est le même petit jeu. Puis l'autre, je pense André va être content. J'ai juste hâte d'avoir GTA sur Xbox One, puis j'ai su qu'il y a un mode first person. Ben, comme moi, personnellement, mais paye pas tant que ça, mais là, j'ai pas vu les vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Ils ont sorti une bande-annonce juste avec ça. Regarde, ils ont refait les textures. Mais j'ai peur. En dedans de moi que ça change mon jeu? Genre. Ben en fait, non, parce que quand tu joues en first person, si tu joues en ligne, ils ont certifié que les gens qui jouent en first person vont jouer avec les gens qui jouent en first person. Les gens qui jouent en third person jouent avec les gens qui jouent en third person. Donc, tu n'auras pas vraiment d'avantage ou désavantage. Mais je peux-tu faire le story? Tu peux faire le story en first person. Oui, t'as terme entre les trois. Mais puis... je veux dire, le quand je dis brise le feeling, j'ai peur que ça brise. C'est quoi Grand Theft Auto? Le monde, il disait que tu joues différemment. Quand t'es en first, là, t'as vraiment ça, une perspective différente, puis t'abordes pas l'émission de la même façon. C'est ça, je me dis aussi, peux, genre. Ça le brisera pas, ça va l'augmenter, parce que tu peux le faire de deux façons. Ouais, moi, non, mais moi, je vois ça, là, c'est comme, tu me donnerais, mettons, je t'en donne un exemple, Saints Row, là, que j'ai tout le temps pu faire en third. Je peux le faire en first du jour au lendemain. C'est comme, hey, c'est une nouvelle manière de faire Saints Row. Peut-être que je vais jouer différemment. Peut-être que je vais. Je vois ça comme un Oblivion, justement, à cette heure. Ben, un free open un peu dans un autre sens. Puis moi, je vois ça d'une manière cool aussi. C'est que, tu sais, l'expérience Destiny, first person, MMORPG, tu le quittes. On s'entend que GTA Online en first person. C'est exactement avec la même affaire. La maison que tu peux upgrader, puis tu te la quittes, puis les véhicules, puis le linge, puis ci, puis ça. Mais il y avait ça, déjà un cool, first person mode dans Grand Theft Auto 5. Pas dans le 5. Où est-ce que tu as des seins. Ouais, ça, il appelle ça un strip joint. T'évitais les bouncers. Pour c'était un mode, ça. C'était drôle, pareil. T'arrêtais, genre, quand tu voyais le Dorman qui te checkait un peu, comme tu vois juste la tête à regarder, oh, il se penche, il te voit, hop, oh, t'arrêtes de passer le piton. J'ai trouvé ça drôle pareil. Là, mais ce qui va être cool de voir ça, puis moi j'ai hâte d'avoir ton opinion tantôt là-dessus, Jean-Luc, mais la réalité virtuelle, justement, tu sais, garde le fait que là, whoop, GTA se ramasse avec un mode first-person shooter. On n'en parle pas tout de suite. On va en parler au retour de la pause. Mais l'impact que ça a, tu sais, first person est un mode très apprécié des joueurs, mais là, en plus, on impacte la réalité virtuelle parce qu'on a un casque, on peut essayer, on peut modifier les fichiers. Oui, moi, pour dire de quoi avec ça, ça là, des opportunités incroyables. Moi, je pense que GTA en first person, avec l'avènement de la réalité virtuelle, c'est comme pour la réalité virtuelle, c'est comme la comparer à VHS ou à Blu-ray. C'est comme GTA, c'est comme le porn. Il est rentré puis il décide derrière. Tu sais, si GTA genre décide de backer comme cette affaire-là puis de dire oui, ça marche super bien avec notre affaire, qui est le jeu le plus vendu au monde, je pense, présentement, si je me fie au record. Avec Minecraft, puis... C'est ça, tu sais, c'est des jeux les plus vendus rapidement, en plus, puis tout. Tu le sais que si ça va chercher 1% de ce monde-là pour le dernier GTA, parce que ça va juste être exponentiel avec un prochain jeu encore plus conçu directement pour ça, c'est comme carrément back in the day, quand le porn a backé le VHS, le bêta a disparu. Puis ça allait exploser, puis le porn a backé le DVD, puis le porn a backé le Blu-ray, puis... exactement. C'est con, il avait pas backé le HD-DVD en premier? Il disait qu'ils vont faire ça, mais quand c'était venu le temps de signer, il me semble, c'est comme, un gig de plus sur le Blu-ray, signe là, puis même qualité, puis coûte moins cher, c'est Sony, clac. Mais moi, j'aime bien le Blu-ray de YouPorn. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ok, fait qu'on va aller en pause. On va aller faire un petit papy. Puis on va revenir pour parler de vraies choses. On va parler de réalité virtuelle. Fait qu'on se donne un petit 5 minutes, messieurs. Des vraies aussi. Choses comme la réalité virtuelle. Oui, c'est ça. Mais peu que son sel. Non, ça va pas. Donc, de retour de cette courte pause. Messieurs, apparemment... Oui. Je viens de me voir rire sur l'écran. Apparemment que la réalité qu'on connaît, c'est juste une facette. Apparemment qu'il y en aurait un autre qui serait nommé virtuel. Mm-hmm. Donc, cette virtuelle réalité ou réalité virtuelle-là est créée par nous. Est créée par l'humain, par l'entremise de machines, des choses comme ça. Là, on tombe dans un débat philosophique. Mais c'est là, c'est là où que tu vas aller ou... Je veux pas pantoute l'amener moi, là. Je veux que ça coupe à 1992. Ben, c'est un peu ça, c'est que dans le fond, on a tous eu une expérience un peu diverse avec la réalité virtuelle. Certains d'entre nous plus une expérience plus récente que d'autres. Mais ça a commencé où, vous autres, la réalité virtuelle? Premièrement, réalité virtuelle, Jean-Luc, j'aimerais ça que tu nous éclaires. C'est quoi exactement la réalité virtuelle? Garde-toi, là. Explique ça dans ton mot, dans ta... C'est quoi, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire, en 2014, la réalité virtuelle? Écoute, c'est une bonne question, André. En fait, déjà, dans les jeux qu'on joue, des fois, il y en a qui se sentent qui sont tellement dans le jeu que c'est comme s'ils étaient vraiment, puis tu joues à Call of Duty... Je vais rapprocher du micro un peu, pas de trouble, on va leur repartir par après. Que tu joues à Call of Duty, puis tu sens vraiment comme si tu étais là. Fait qu'il y en a pour eux, c'est un peu un genre de réalité virtuelle où tu te sens immergé. Fait que l'immersion, dans le fond, est un peu le cœur de la réalité virtuelle, dans ce que tu dis. C'est que c'est une nouvelle méthode d'immersion avec le contenu. C'est une nouvelle manière d'interagir avec du contenu à ce moment-là. Et avec un univers qui est virtuel comme un jeu vidéo, comme des choses comme ça. OK. Parce que tantôt, c'est ça, tu nous as fait essayer un peu, on a essayé l'Oculus Rift, le Development Kit 2 exact. Que tu as apporté pour nous ce soir. Puis c'est sûr, on a testé des trucs où on était dans l'univers de la Matrix, puis il fallait sauter d'un building à l'autre, il y avait des montagnes russes où... passer proche de recracher mon lunch, moi, là-dedans. moi aussi. Bonne pizza graisseuse avant des montagnes russes. Mais, dans le fond, c'est pas nécessairement uniquement du jeu vidéo dans un sens traditionnel. T'sais, c'est pas Mario Bros. En tant que tel. Ça pourrait être Mario Bros. Ça pourrait être tout ce que tu veux que ça soit. Fait que n'importe quoi qui est... En fait, des expériences que tu vis dans la réalité présentement, t'sais, admettons que tu dis, j'aime faire du parachute, je veux faire du parachute dans un monde virtuel. Fait que ça pourrait être ça. Ou, comme là, c'est virtuel, tu peux introduire des éléments de fantasy. On a joué tantôt un jeu de montagne russe. Là, ça pourrait être un jeu de montagne russe. Puis là, tu rentres dans la gueule d'un dragon vivant qui crache du feu. Puis, tu sais, tu peux rajouter autant d'éléments irréels que tu veux. Fait qu'à partir de ça, tu peux créer n'importe quelle expérience que tu veux faire. Fait que c'est ça ce que c'est. Fait que t'as la partie jeu, mais t'as aussi... ça peut être utilisé pour la médecine. C'est un peu à l'extrême, là, mais mettons Surgeon Simulator, ouais, c'est ouais. Ça. Fait que ça, c'est la partie cartoon du jeu, mais ils peuvent en faire. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent présentement sur justement des programmes, des logiciels de simulation pour des vrais trucs pour des médecins pour qu'ils puissent se pratiquer. Éducatif, dans le fond. Exact. Ça peut être l'enseignement. Il y en a déjà beaucoup là, qui existent déjà dans le monde depuis les années 90, même ouais. Là, où tu es en train de voir des génomes puis les resequencer. Comme me semble qu'il y a des masques et tout là, qui sont dans le milieu médical déjà. Puis t'as des trucs pour la thérapie, là. Une des applications, c'est pour les soldats qui reviennent de la guerre puis qui sont en choc traumatique. Une des façons avec la thérapie, c'est de leur faire revivre leur traumatisme. Fait que tu pourrais faire ça dans la réalité virtuelle. Puis les admettons quelqu'un qui a le vertige, ben tu pourrais l'amener dans un monde virtuel où il marche. J'en ai entendu parler d'un, là, tu marches sur une planche t'as un ravin en dessous, t'as juste une planche sur laquelle tu marches, puis t'essaies de combattre ta peur, là, fait que ça peut être plein de choses comme ça, ça peut être l'enseignement. Un des cas que les gens utilisent, mettons le cours d'histoire, tu pourrais être devant le Colisée de Rome, puis là, dans un flash, t'as le Colisée à sa gloire, tu rentres dans le Colisée, t'as tout t'as les gladiateurs, t'as toute la foule, puis là, bang, tu reviens dans la version qui est plus proche de la réalité où là tu vois le Colisée en ruine puis avec ce que ça ressemble vraiment à ce que ça ressemble maintenant. Hein. Mais dans les démos que tu as fait essayer un peu tantôt, celle de Titans of Space, ou ouais, chose Titan of Space. C'était un peu ça quand tu penses que c'était éducatif, ces planètes un peu, tes voyais, tu sais, c'est. Ouais, puis une des grosses différences avec la réalité virtuelle qu'on se rend pas compte au début, c'est que tout le sentiment des proportions qui. Tout d'un coup apparaît. Ouais. Fait que si ton jeu est bâti ou si ton expérience est bâtie selon des mesures réelles, admettons que ton bureau il fait 2 par 4, ben devant toi, tu vas avoir le sentiment que ton bureau fait vraiment 2 par 4. Puis fait que le truc de Titans of Space qui est en fait un vaisseau qui se promène dans le système solaire puis de voir les différentes planètes, je pense qu'il avait triché un peu avec les proportions, fait que les planètes n'étaient pas vraiment leur vraie proportion, mais reste que tu vas voir tu peux voir la Terre comme s'il était devant toi avec sa vraie grandeur. Parce que c'est dur à... C'est ça qui est plate. C'est comme avec la matrice, là, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait. Que un coup que tu le vois, tu comprends la notion justement de proportion, de dire, ben ok, j'ai la Terre qui est de vraie grosseur-là devant moi, comme si j'étais dans l'espace. Puis après ça, j'ai Jupiter qui est à côté, qui est encore plus grosse. Puis que tu es vraiment capable de comparer la vraie grosseur de Jupiter versus la vraie grosseur de la Terre. Puis... Non, c'était impressionnant, c'est... pareil. Mais c'était plus éducatif, justement. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est moins... Mais on voulait aussi aller avec, en parlant de la réalité virtuelle, mm-hmm. un peu faire une table ronde sur nos premières expériences. Ouais. Je suis curieux, André, jeune garçon. Parce qu'on va commencer avec le passé de la réalité virtuelle, puis on va de là. Mais je veux entendre first, puis tu peux même dire Sega, 3D lunettes, je sais pas. En fait, là, gars, je te dirais, j'ai deux moments... De mon passé de réalité virtuelle, un que j'ai pu vivre moi-même puis un que j'ai pas pu vivre moi-même mais qui a influencé quand même. J'ai eu la chance de jouer à Dactyl Nightmare en ronde. Passant, tu gagnes le trophée du premier à en parler. Ben écoute, honnêtement, c'est parce que j'ai fait mes recherches un peu. Moi, je pensais que c'était Dactyl Chase au début, mm-hmm. finalement. Finalement, c'est Dactyl Nightmare. Je pense que j'ai joué, c'est-tu des robots géants dans une arène, genre? En fait, t'es juste un gars puis un autre gars. Ouais. Tu te bats dans un environnement 3D. À la Tron un peu. À la Tron un peu, puis là, t'avais un arbalète. Puis, si dans un certain nombre de temps, t'arrivais pas à éliminer ton adversaire, parce qu'il y avait un gun, un arbalète, ça fait la même. Un ptérodactyl venait, puis il te kidnappait, puis il crissait son king tout. Fait que c'était comme, ton fuck infini. Off, t'es mort. Ton temps est fini. Donne-nous un autre 10$. C'est ça, ben, 10$, t'es généreux. Parce que honnêtement, je me souviens d'avoir joué ça. Hey, je me souviens, c'était 22$. Puis ça durait 15 minutes. Mais je vous parle d'un 22$, 1992-93. Non, peut-être un peu plus. Moi, j'ai peut-être pas joué quand c'est sorti. Moi, je dirais, je vais jouer en 94 quand même. C'était pas les machines. Puis, on dirait qu'ils ont essayé de coiner le terme, là, mais c'était les machines de virtuality. Ben, c'est ça, ouais, ouais mais. C'est un Oculus Rift virtuality, en passant. Mais t'as eu un renouveau. Ben, pas un renouveau, mais t'as eu comme une éclosion de VR en 1990 parce que. Moi, il y a l'aspect que j'ai vécu, mais il y a l'aspect que j'ai pas vu moi-même, mais que, je donne un exemple, Virtuosity, avec Denzel Washington, que ça, c'était... Avec Russell Crowe. Russell Crowe, Denzel Washington, c'est super cool. Lawnmower Man. Hey. Lawnmower Man. C'était bon. The Plague dans Hackers, que Mané est en train de jouer, justement, à Dactyl Chase, dans son Dactyl Nightmare, dans son bureau, puis l'autre, il arrive, faut qu'il enlève son casque, puis... Mais tu sais... Il y a eu tellement une influence VR dans les années 90. Je sais pas si vous vous souvenez aussi... La Virtual Boy. Ben, t'avais la Virtual Boy, mais pas ça. Moi, c'était une autre optique. Mais tu sais, tout le monde, on se rappelle des Power Rangers aussi. Ben oui. Mais t'avais Saban's VR Squad. Puis ça, c'était vraiment comme... J'étais très jeune. Puis c'était un peu avant... Non, c'était à peu près en même temps que Power Rangers. Un petit peu avant, parce que t'avais les... Non, mais en fait, t'avais VR Squad. Après ça, t'as eu Power Rangers. Puis après ça, il y avait eu Beetleborgs. Ouais. Là, vous me trouvez vraiment gay dans mes Power Rangers, mais j'ai trippé là-dessus, puis honnêtement, j'aime ça. Tu sais, c'est con à dire, mais mes Super Sentai, je trippe là-dessus. Je les écoute encore souvent. Moi aussi, honnêtement. Netflix, même les. Ben, j'écoute les versions Jap maintenant que j'écoutais pas dans le temps. Mais le VR Squad, c'était vraiment. Tu rentrais dans le monde de la réalité virtuelle. T'en avais un autre aussi que j'ai oublié le nom, malheureusement. Mais c'est une version qu'il avait faite ici. Puis c'était le gars qui s'avait fait numériser, il rentrait dans l'ordinateur puis il se battait contre des virus informatiques. Puis c'était Sebans qui avait fait ça aussi. Mais c'était très, tu sais, VR team. Là, y a, c'était la réalité virtuelle. Pis... Johnny Mnemonic aussi. Mon nom de rapper est inspiré de ce personnage. L'internet de Johnny Mnemonic était très VR. Il expliquait dans le coup. De quoi en plus, ça me donne un peu le... C'est parce que c'est drôle parce qu'on parle plus du terme, mais moi, ça m'apporte un peu à mes premières expériences de la réalité virtuelle. C'est l'acronyme VR. Mm-hmm. Ouais. C'était tellement, dans les années 90, c'était tellement magique. Je m'excuse, mais pour moi, VR pendant des années, puis peut-être c'est à cause que on savait aussi que ça en allait, les graphiques, ils étaient juste pas là encore. On parle pas de véhicules récréatifs. Moi, je parle de virtual reality. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Où ce que je vois à l'arcade, puis pour moi, virtual reality, c'est des polygons plats, mâts, qui ont juste. C'était les premiers jeux 3D. Je pourrais quasiment dire comme Virtual Racing, Virtual Fighter. Je dirais même Race, mais c'était le jeu d'Atari là, de Race Wipe Driver out? Non, il y avait Race Driver aussi qui était dans une grosse arcade, dans un genre de 3D. Tous les jeux polygons 3D, on dirait, je m'imaginais un monde virtuel, une réalité comme ça, puis on pouvait pas comprendre encore que c'était pour être comme, c'était pas, c'était du 50 millisecondes et moins, comme qu'ils disent, là, pour que ça soit one-to-one. Mais il y avait un engouement de société. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, il y avait une télésérie dans le temps, c'était Tech Wars. Ouais, avec William Shatner. Tech Wars, là-dedans, quand il se mettait à pirater, justement, t'avais des pirates qu'ils se connectaient, puis il y avait les gants haptiques, dans le fond, puis ils se tapaient dans les mains, puis ils naviguaient en faisant un genre de groovy scene de surfer, puis, tu sais, ils rentraient dans une réalité virtuelle. On dirait... Moi, ce que je me souviens de ça, c'est que c'était partout, puis un moment donné, plus de VR. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, pas à mode. Je pense qu'à un moment donné, c'était plus à mode, mais ils se sont rendus compte dans un sens que c'était comme désuet où ils sont rendus avec ça. C'est comme on est plus capable, on est pas en train d'aller plus loin, là. Mais c'est ça que je trouve weird, parce que... C'était comme nouveau, bang, mais... Tu sais, je veux pas ramener ça, mais c'est pour ça que j'ai hâte qu'on fasse le pont aussi avec le actuel, parce que, selon moi, tu sais, quand tu dis, ils se sont rendus compte que c'était désuet, moi, j'aurais tué pour avoir la machine de Dactyl Nightmare dans mon salon. Dans le temps, ouais. Mais je pense que la technologie était juste pas là. C'est ça, c'est... pas accessible. Tu sais, les virtual boys, là... The Plague, là. Ouais. Je pense qu'il fallait qu'ils fassent tomber des oil tankers juste pour payer cette Christine. Ben, c'est ça. Hey, ça devait coûter à 22$ pour 15 minutes, là. Non, mais elle devait leur avoir coûté à total, la machine. J'ai regardé que... des vidéos, la machine elle-même était comme 60 000$. Ben, j'en doute pas. Regarde, j'avais un Pentium 75 dans le temps, 640 MB de disque dur, puis j'avais, je pense, c'était 4 MB de RAM au gros complet, là. Puis mon père avait payé ça, je pense, c'était 1700$, la machine, là. Puis je m'en souviens que j'avais scrappé l'install de Windows, puis j'en braillais parce que ça a rien servi pendant 2 mois de temps. Mais t'imagines-tu, pareil, tu sais, c'était comme 1700 fucking piastres, un ordi, man. Puis j'étais comme, wow! Puis à start, le monde, ils se montent une tour, puis ils sont comme, c'est un ordi de gaming, c'est cher, c'est 500 piastres. Fuck ta gueule! C'est 500 fucking piastres! DX, man, pour 4000 piastres. Qu'est-ce que tu peux faire comparé à avant, en plus? Mais Milton, toi, ta première mémoire... Moi, ma première, à part Landmore Man, là, c'était probablement au Salon Pepsi Jeunesse, quand j'étais jeune. J'étais allé là avec l'école, genre, là, tu sais, il y avait une sortie, là, que t'arrivais tout en autobus. Puis il y avait, je pensais que c'était le jeu que tu parles, mais c'est pas en tout la même description. Mais moi, je suis arrivé, puis c'était à peu près le même prix, par exemple, je te dirais. Puis peut-être un peu moins, mais genre 10$ pour 5 minutes, là, quelque chose de même, là. Puis on était 4, par exemple. 4 en même temps. Puis c'était une genre d'arène, on avait le gros casque, on avait des genres de manettes dans les mains qui nous mettaient un joystick, puis un pour tirer, là, des joysticks avec des pitons dessus. Ouais, c'est ça, comme tes Atari, deux manettes. Atari style, là, tu sais, là. Puis c'était carrément un pour avancer, un pour tirer, les pitons pour tirer, puis j'étais un gros fucking robot, là, genre dans une arène. Comme MechWarrior. Un peu MechWarrior, Gundam ou ces affaires-là, puis j'étais dans une genre d'arène à la... American Gladiators, tu sais, quand il y avait un qui était en haut qui te tirait dessus avec le gun nerf, là, pis fallait que tu fasses des zigzags en te cachant, là, mais c'était genre de grosse arène de même, mais c'était un deathmatch. Fait que là, tu regardais quelqu'un, tu le voyais, tu te mettais à tirer des missiles dessus, c'était pas super réceptif, mais tu sais. Tu me fais penser, c'était mon premier. J'avais lu dans un game pro ou un affaire de même dans le temps, pis il avait fait une place aux États-Unis qui avait des pods. Tu sais, dans le temps, MechWarrior, il avait fait même un cartoon à la TV, puis c'était super gros. MechWarrior, mais quelque chose. Puis il avait fait une place que t'avais des pods, puis c'était un peu le concept Dark Zone, tu devenais membre, puis t'avais ta puce, puis tu gardais ton call sign, puis ton score, puis t'es kit. Mais tu rentrais dans un pod, puis tu t'assoyais dedans, c'était tous des écrans autour de toi, puis le pod, il shakeait, puis il bougeait, puis t'étais dans un fucking MechWarrior, là. C'était pas Steel Battalion, ça? Parce que me semble Steel Battalion, il y avait de quoi à l'arcade. Steel Battalion à l'arcade, oui, mais ça, c'était vraiment, c'était licencié MechWarrior, je me souviens. Okay, sauf que c'était comme un centre au US, puis il y avait un mois, là, toutes les fucking revues de gaming n'avaient parlé, un éditorial de 2-3 pages. Puis eux autres, il y avait 60 pods de même. La machine de Dactyl Nightmare à 60 000... T'en as 60, t'imagines-tu l'investissement? Sauf que eux autres, là, c'était tout le temps sold out, pis t'avais des guerres de clans. On se parle, c'était en quoi? C'était en 95-96, genre gros max, là. Puis t'avais des guys de clan, mettons 30 contre 30 dans le même fucking game, man. Puis là, tu te fais tirer, puis là, tu t'éjectes. I'm out, puis t'imagines-tu le trip que ça devait être, ça? C'est malade, là. Fait que, tu sais, cette technologie-là, c'est le rétro-futur. Ça me fait capoter de voir que, v'là, crime, ça fait déjà v'là 20 ans, là. 20 ans, ouais. V'là 15-20 ans, on jouait avec des gadgets de même, sans même savoir c'était quoi, puis c'était comme la pointe du iceberg, là. Jean-Luc, ta oui. première expérience VR? Mais moi, à l'arcade, je fréquentais plus les Street Fighter puis les Mortal Kombat. Mais ta première mémoire d'abord. Je dirais peut-être Landmower Man aussi. Je vais y aller avec la famille. Là, le... C'est Joby à la marde. Hein? Ah. Tu sais ce qu'il y a quand tu fais un gars attardé mentaux devenir intelligent, quoi? C'est quoi c'est Stephen King, là. C'est tout le temps ça, ces histoires, là. C'est ouais. Non, mais ça, c'était d'autres choses, là, je pense. Là. Mais c'était surtout pour la vision de ce que ça pourrait être. Qu'est-ce, là, ouais, les gens de ride de moto qu'ils faisaient, ou de quoi, si on peut dire. Ils volaient, là. Ils étaient couchés sur des comme des lits qui bougeaient avec Pierce Brosnan. Là. Mais la scène de sexe la plus troublante ever aussi, là, avec le monde qui se... comme je pense qu'il y avait... Ils s'entrelaçaient, genre, ouais. Ouais, ah, puis il y a un twist à un moment donné où ils se twistent ensemble. Ouais. Film-là, man. Mais à un moment donné, ça prend un autre tournant aussi, là, que ça... plus ou moins rapport avec la réalité virtuelle, là, vers la fin. Là, avec les abeilles, puis... Ah, il prend le contrôle de tout, là. Ouais. C'est la vie. Avec tous les trucs de VR, je pense que je me suis retapé une bonne partie de toutes les références VR des 20 dernières années, là. Je me suis retapé, justement, Johnny Mnemonic, Strange Days. Ouais, Strange Days, c'est vrai. Landmower Man. Lewis. Strange Days, là, c'est un de mes films préférés. Ah oui? Ça. Puis attends, la publicité avec Juliette Lewis, Ralph Fiennes, man, regarde, moi je m'en toujours me rappelé de voir la publicité. Je pense que je m'en allais voir comme peut-être comme je m'en rappelle même pas du film là. J'étais au cinéma, puis si jamais tu peux regarder la publicité de Strange Days où ce que t'as juste Ralph Fiennes qui c'est Ray ou Ralph Fiennes, c'était Ralph Fiennes. Puis tout ce qu'il faisait, c'est qu'il c'était une scène avec un backdrop de couleur. Puis lui qui faisait sa job de vendeur, là, de, t'sais, ouais. Imagine qu'il était dans une douche comme une femme en train de tout nu, en train de te toucher. Puis ce film-là, là, puis c'était un genre Y2K movie aussi, là, ouais, avec ouais. L'an 2000 qui arrive. Il y a aussi plus récemment, puis un peu peut-être moins réalité gamer. Virtuelle, mais ben ouais, gamer, ouais. J'avoue. Mais moi, je m'en allais dire le film Clone de Bruce Willis. Ouais, c'est Surrogate, ouais. Non? T'sais, ah, Surrogate. Ouais. C'est ouais. Plus ou moins... Tu sais, on voit pas de la vision de réalité virtuelle, mais techniquement, c'est tout ce qu'ils c'est font. C'est de la téléprésence. Ils s'enferment dans leur chambre avec leur machine, puis ils vivent au travail d'une autre vie. Ouais. Sauf que toi, tu le vois pas en tant que... C'est pas comme Landmower Man, justement, que tu vois des visions 8-bits quasiment, pis tout, là, mais... Fait que dans le fond, Jean-Luc, Landmower Man, y a-tu d'autres choses aussi que tu te souviens? Ben, La Matrice aussi, mais ça, on est beaucoup plus tard, hein. Mm-hmm. On est en 99, qu'au cinéma, on a tout trippé en regardant la première fois. Mais non, moi, la réalité virtuelle, c'était cool à l'époque, mais comme ça a jamais pogné plus que ça au niveau consommateur, c'est... un peu comme tout le monde, là, c'est tombé un peu dans l'oubli. Puis... C'était pas ça. Puis tu regardes le Virtual Boy, ce qu'ils ont fait, puis la qualité, c'était pas effrayant, puis les gens ont pas trippé. Fait que niveau consommateur, c'est, en fait, ça a resté juste dans les arcades, puis ça a jamais vraiment été dans le fond, le salon des Virtual gens. Boy, ça a été l'apogée de ce qui était capable de rendre ça abordable dans le salon, là, pour même l'instant. Même là, abordable, là, entre gros guillemets. Hein. Ouais, c'était cher dans le temps, quoi, puis c'était pas super... 3D, hein. Ouais, dans un sens. C'est du stéréoscopique, ça, ouais. Carrément. Là. Puis il y a Sega qui voulait faire le Sega VR, puis finalement, je pense que ça n'a jamais été en marché. Ouais. C'est un autre échec de Sega, en fait. Là. Ouais. Mais non, fait, mais de l'autre côté, par contre, niveau institutionnel, niveau industriel, là, t'avais l'armée qui, eux, continuait d'utiliser ça, de faire des simulateurs, puis des choses comme ça. Mais consommateur, on n'entendait plus parler, mais ça veut pas dire que la technologie, elle progressait pas pendant ce temps-là. Mais je pense que c'est que ça a fait peut-être un progrès. Il y a eu un rideau qui a ouais. été... Ben, de ce côté-là, t'es accessible, puis en arrière, c'est « oublie ça ». Mais je pense que le problème, c'est que c'était jamais vraiment accessible. Ben, c'est ça. Comme tu sais, Dactyl Nightmare, là, à fucking 22$ pour 15 minutes... De la machine, il y a no way que quelqu'un pouvait s'acheter cette machine-là. Ouais. Puis même à ce jour, je pense puis on va en arriver, c'est peut-être un bon segue pour embarquer dans le présent, mais je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus dans le Oculus Rift, c'est que c'est tangible le prix. Là. C'est très abordable. Ben même, ouais. pour qu'est-ce que ça l'offre, pour qu'est-ce que moi j'ai vécu, là, où ce que j'ai quasiment vomi, puis, ouais. où ce que je pensais que j'étais sur une drogue après que j'enlevais ça, puis comme fucking hell. Pour le sentiment de vomir, tu serais prêt à payer pour l'avoir? Absolument. Ben, c'est que oui. On parle du présent, t'as qu'à être là. Ben écoute, là, t'avais là. Juste pas fait ton passé, je sais pas si t'avais quelque chose à faire. Fallait que tu mentionnes Segway en le faisant. Faut que tu dises le mot Segway. J'ai le tout le terme VR du, comme juste vivre ça un peu comme les films, tout ça, mais voir le polygon, flat, cell shading, ben normal. Ma première vraie expérience où ce que j'ai vraiment dépensé des sous, c'était même pas du VR, mais ça se traitait VR, c'était Virtual Racing, comme j'ai dit. T'avais pas parlé d'Axen aussi en ronde? Ben moi, non, c'était pas en ronde. Moi, quand j'étais jeune. Non, non, en ronde. Ok. Ah oui, c'est vrai, Axen. Moi, quand j'étais jeune, j'avais jamais vraiment les sous. Ma famille, elle pouvait pas se permettre un Pentium. Ouais. Fait que moi, souvent, mon argent, au lieu de la saver up, j'allais la dépenser dans des cafés internet qui étaient la. Mais c'était même pas des. C'était comme des cafés internet, mais c'était la nouvelle rage à Ottawa. Il y en avait 2-3 qui avaient popé où ce que tu peux aller jouer à. Les LAN Party, un peu. Ben, tu peux aller jouer à Warcraft 2. Ouais. Tu sais, Command & Conquer. Puis il y en avait une place que j'allais, c'est la rue Bank à Ottawa. Où c'était même pas Bank, c'était Elgin. Puis dans le coin, il y avait un Christie de set de VR que j'oublie le nom, mais c'était comme un des premiers casques VR que tu mettais. Puis tu pouvais jouer à Hexen. Mais le problème, c'est que Hexen, c'est un jeu qui est pas... comme c'est juste gauche-droite, là. C'est Doom Engine, là. Puis c'était très weird jouer là-dedans. Tu étais debout dans une affaire qui avait aucun rapport, mais tu avais juste le masque puis tu jouais à Hexen. J'ai vraiment pas aimé ça. Je m'en rappelle être déçu. Je me rappelle être déçu dans Virtual Boy. Je me rappelle avoir... peut-être une de mes premières mémoires du VR, c'était toutes mes déceptions. Ça donnait-tu mal au cœur? Ou c'était juste, ou juste parce que la résolution n'était pas check, là? C'était... Puis peut-être, on va tenter une deuxième fois la transition pour tout de suite, puis le présent, mais j'ai jamais vu... On a juste essayé quoi? Une demi-heure, là, on se passait la headset un peu, puis Jean-Luc nous faisait tester des démos, puis... comme je les ai essayés, j'avais essayé le Helmet, j'avais essayé Virtual Boy dans le temps. Je pense que j'avais fait une ronde de Dactyl Nightmare une fois, mais comme il y a no way que ça peut te rester dans ton cerveau après même pas 10-15 minutes de juste sentir comme si t'es fait voler plein d'argent. mais je me rappelle que ça marchait pas bien et tout ça. Fait que c'était juste des déceptions. Puis c'est pas mal ça un peu mes premières mémoires, tristement. Là. Mais... c'était plus le potentiel que manquer. Comme j'avais tellement... on dirait, tu voyais ça, t'étais comme... un jour, ça va peut-être marcher, mais après ça, ça passe dans l'oubli. Mais on dirait ce qui est fou là-dedans, puis... tu sais, si je peux prendre mon expérience passée, parce que j'ai été choyé, j'ai eu quand même quelques joutes de Dactyl Nightmare. Je me suis cassé la nuque sur un Virtual Boy chez un de mes chums qui en avait un. Parce que ça, c'était la pire crise d'invention possible. Là. Oculus Rift, il y a des straps dessus, tu te le mets sur la tête. Là. Virtual Boy, il y a un trépied. Ouais. Fait que peu importe la grandeur que t'as, faut que tu t'accotes la face dans le trépied. C'était très mal pensé, leur histoire. Je regardais la pub encore cette semaine. C'est horrible. Là. C'est... la manette, par contre, a hautement influencé la manette du GameCube. Ouais, moi, je dis ça de même. Ouais. Mais, tu sais, c'est un bon concept, mais une mauvaise exécution. Puis, ce que je trouve, c'est que il n'y avait pas beaucoup de compétition dans le temps. T'sais, on s'entend, tu avais un modèle de machine, c'était le software qui était différent. Tu avais Nintendo qui se sont dit, on va rentrer dans le salon des gens avec une version pas chère, puis ça n'a pas pogné. Mais tu sais, là maintenant, avec des concepts comme l'Oculus, où eux autres, ils ont fait, OK, ben let's go, on fait un Kickstarter. Fait qu'on veut faire ramener la VR, on veut faire quelque chose d'accessible. La technologie est rendue au point tel que on peut se permettre de faire ça, puis ça sera pas super dispendieux. On fait embarquer le monde là-dedans. Mais là, en plus, c'est que là, t'as Sony de leur bord qui font « Hey, tapeur, ça marche, Oculus. Ils ont réussi à faire leur Kickstarter. On va faire Morpheus, nous autres, de notre bord. Puis on va avoir notre casque. » Pour... il y a plein de monde qui travaille là-dessus. Là. Il y a un partnership avec Samsung où, ben tu sais, là, t'avais la rumeur, comme t'en parlais, tu sais, « Ouais, là, c'est des panels de tel téléphone dans le development kit. » Puis à Star, c'est plus « Non, non, gars, tu mets ton téléphone puis il devient le development kit. » Je pense que l'état aujourd'hui de ce que je vois versus auparavant, c'est que non seulement c'est rendu accessible, mais c'est rendu aussi que c'est open source. Ouais. Voulant dire que on est quatre personnes présentant dans la pièce, le chat exclu, parce qu'il code pas, là. Ben, on pourrait coder un démo, on pourrait faire un démo, on pourrait faire quelque chose, parce que c'est open source. On a juste à acheter le casque et on travaille avec. Le design du DK1 est public en ce moment. Maintenant qu'ils ont sorti le kit de développement 2, ils ont dit, ben ok, le kit de développement 1, tous les schémas, tout, on vous sort tout ça sur une licence que vous pouvez regarder, jouer avec ça. Le code est sur GitHub aussi. Fait que tu peux t'en faire un chez vous. Ouais, exact. Tu vas chez Addison, puis tu te ramasses du stock, puis tu te fais un DK1, ouais, dans le fond. Là. Mais présentement, là, c'est quoi qui se passe selon vous dans le marché? T'sais, selon notre expérience, on a essayé, on a joué des démos, des affaires de même. Jean-Luc, toi, tu as beaucoup d'expérience avec l'Oculus présentement. Tu t'en sers, tu fais partie des jams, des choses comme ça. Ça, c'est un des sujets que je veux qu'on touche tantôt. Je veux qu'on parle de la scène de l'Oculus, mais monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est en vente libre. Tu payes 350$. En fait, tu vas sur le site web, puis quand tu vas sur le site web, ils disent achetez-le pas. Si vous n'êtes pas développeur, là, achetez-le même pas. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que. Parce que tu vois plein de vidéos sur YouTube des gens qui vont jouer à des jeux, des affaires de même, mais European Trucker. Ça fonctionne pas présentement pour monsieur, madame, tout le monde. Faut que tu saches qu'est-ce que tu fais pour. Puis même, on a eu de la misère un peu à le configurer au début sur ton ordinateur. C'est pas encore prêt au niveau de l'utilisation pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas du plug and play, là. Non. Attends-toi pas à juste mettre ça dedans USB. Puis, exactement. Exact. Fait que dans le fond, faut quand même que tu saches qu'est-ce que tu fais avec ça. Tu peux pas juste arriver puis let's go, je le plug, puis alright, let's go, joue Alien Isolation. Non, c'est ça, juste Alien Isolation, t'as quelques paramètres dans les données du jeu que tu dois changer pour être capable d'activer le mode Oculus Rift. De un, t'es en train d'ouvrir des pages Word, fait que la minute que t'es en train d'ouvrir des pages Word... C'est un fichier XML, là, ça te donne une idée, là. T'es dans la merde. Tu peux scraper quelque chose, dans le fond, ouais, dans le jeu, mais... Je pense que, tu sais, on est à mi-chemin entre l'accessibilité parce que, n'empêche que quelqu'un qui est vraiment motivé, du jour au lendemain, je sors ma chick-a-chick, je m'en vais sur le site, j'ai de 6 à 8 semaines d'attente, mon Development Kit 2, il arrive à la maison, je plug ça, gosse mon fichier, puis je peux m'en servir quand même. Mais c'est pas... Faut que tu connaisses ça quand même un peu, j'imagine. Faut que tu aies un petit background. C'est plus le fun si t'as une base aussi, d'après moi, là, parce que tu peux justement aller jouer dedans, puis le tweaker, puis en profiter au max. Pour ce sujet-là, parce qu'en même temps, Jean-Luc est là. T'es qui, Jean-Luc? Ah, mais... C'est quoi que tu fais? C'est quoi qui t'a fait à t'embarquer dans l'aventure de Rift? C'est quoi que tu fais dans la vie? En fait, c'est un ancien collègue de André. Cool, déjà là, c'est bien. Le fait que je connaissais déjà André d'avant. mais non, en fait, j'ai étudié en comptabilité, en finance. Puis environ 2 ans, j'ai fait la transition. Je travaille maintenant dans un studio de jeu de développement qui s'appelle Eidos Montréal, cool, qui a fait Deus Ex Human Revolution. Puis je suis coordonnateur de production présentement. Ah, excellent. Puis t'as vu quelqu'un qui avait, comme t'avais entendu parler de l'Oculus Rift, puis tu t'es dit, ça, je me pogne ça. Je sais que tu m'en parlais un peu au début, tu as attendu une deuxième ronde, c'était quoi ton expérience, c'est quoi que t'as fait dire fuck, moi je sors du cash pour ça là. À chaque jour en fait, je regarde tout le temps les nouvelles technologies, tout ce qui sort, je pense qu'on est un peu pareil à ce niveau là, puis je voyais Oculus avec le Kickstarter qui avait parti, puis Kickstarter, on sait qu'il y en a qui n'ont pas marché, qui ont perdu leur argent avec ça, le hardware c'est encore pire parce que t'as plein de délais de production, puis les gens ont de la misère à planifier pour ça. Fait que j'ai attendu qu'ils shippent leur Kickstarter aux premiers utilisateurs. J'ai regardé les commentaires des gens si vraiment c'était fiable. Puis un coup que j'ai vu que là, ça l'était. Puis je l'ai essayé, en fait, c'est vrai. Au début, il y avait une carte un peu où tu pouvais dire, ben OK, j'ai un Oculus Rift, kit de développement 1. J'habite à telle place. Appelez-moi si vous voulez une démo. Fait que moi, j'avais regardé sur une map Google. J'avais appelé un gars qui habite à Montréal. J'ai dit, OK, je peux-tu passer? Fait que j'étais voir le soir, je l'ai essayé chez lui. J'ai trouvé ça écœurant. Puis après ça, le lendemain matin, je l'ai commandé. Puis je l'ai reçu 2-3 mois plus tard, peut-être. Juste un dude random. Lui, c'était un VR pimp, le genre. Mais c'est ça. Mais on était plusieurs, en fait. Puis c'est ce qui arrive aussi avec ceux qui adoptent les technologies rapidement. Souvent, tu veux faire profiter les autres. Puis ça, mais il y avait... Les gens avaient trouvé un moyen de s'inscrire de faire une carte Google spécialement pour ça, de dire j'habite à telle place, appelez-moi, puis je fais des démos. Puis tu sais, Jean-Luc, pour avoir travaillé avec lui, c'était un des gars que quand je rentrais au bureau, tu sais, Jean-Luc venait me voir, puis hey, t'as-tu vu telle news est sortie, puis telle affaire, puis Jean-Luc est très early adopter dans cette technique-là. Mais ce que je trouve, comment je peux dire ça, c'est que tu fites dans cette crowd-là, voulant dire que t'étais tellement early adopter dans, lorsqu'on travaillait ensemble, au niveau d'être à l'affût des nouvelles, que ça m'étonne pas que tu fasses partie d'un de ces mondes-là maintenant où c'est cool de voir le genre d'écosystème, tu sais, des gens qui vont avoir plein de background, des gars qui vont être programmeurs de profession, des gars qui vont travailler dans l'industrie du jeu depuis des années, des gars qui comme toi, t'as un background de comptabilité, puis là, t'es rendu dans le domaine du jeu, mais tu sais, que tu travailles à ton stock, tu fais partie des jams, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est le fun de voir un peu cette comme pseudo-culture, ça me fait penser beaucoup quand on avait reçu la gang de Toy Company, tu sais. Le genre de crowd chiptune où c'est des gens très connaissants qui veulent partager entre eux autres des choses comme ça. Mais tu sais, moi, je vois cette scène-là de l'extérieur un peu de la même façon, tu sais. Quand tu me parlais justement, tu sais, puis là, tu me dis, je fais partie d'un jam. Un jam pour le commun des mortels, c'est quoi exactement, Jean-Luc? C'est. En fait, il peut y en avoir de différentes natures. Fait qu'il y en a que c'est. Dans le milieu, du moins, du jeu vidéo, tu peux avoir un jam d'animation où tu dis, OK, on prend la fin de semaine, on fait une animation, on se met en équipe, on produit une animation, puis à la fin de la fin de semaine, on se le montre à chacun de nous. Moi, celui auquel je participe présentement, c'est un jam de développement de logiciels. Fait que je peux développer un... D'Oculus, là, seulement, ou... Non, en fait, c'est organisé par une compagnie qui fait une caméra 3D, en fait. Et ils donnent 6 semaines... Puis ils te prêtent le matériel. Fait que tu peux le faire. Il faut que tu le fasses absolument avec la caméra, mais tu peux aussi le faire avec l'Oculus. T'as 6 semaines pour créer une application pour qui fonctionne sur leur matériel. Puis il y a 75 000 en prix, je pense. 35 000 en cash. Puis t'as comme 2 niveaux de compétition. Puis dans les meilleurs, ils vont aller au Indiecade East, qui est à New York, en février prochain, pour compétitionner contre d'autres développeurs indépendants dans une catégorie. Fait que c'est, pour eux, c'est une façon d'attirer des développeurs qui font des applications pour leur matériel à eux. Puis moi, ben, en fait, c'est juste pour avoir ma première expérience de jam. Là, ça fait 2 semaines que c'est commencé. Fait que je suis en train de faire comme la conception, la production d'un jeu complet. Là, il me reste 4 semaines. Peux-tu me dire un peu c'est quoi? On est curieux un peu. Oui, en fait, c'est en plus c'est relié au jeu vidéo. J'essaie de recréer la scène dans Heavy Rain. Le gars Aiden, l'enquêteur, qui est à son bureau, qui met des lunettes, puis qu'après ça, il y a une enquête devant lui, il y a des indices qu'il étudie. J'essaie de refaire ça, mais justement avec l'Oculus Rift puis avec la caméra. Puis en fait, la caméra, ce qui est le fun, qu'elle permet jumeler avec l'Oculus Rift, c'est que ça te permet de voir tes mains dans la réalité. Donc, dans le fond, si tu bouges ta main devant la caméra, dans l'Oculus, tu vas voir ta main interagir avec le monde. Exact. Puis un peu comme à la rapport minoritaire avec Tom Cruise, ben là, tu peux avoir une interface avec des indices, des trucs que tu bouges avec tes mains, que tu prends, que tu places ailleurs, que tu fais agrandir. Comme aussi dans CSI, quand ils font des astuces d'affaires pas possibles dans le vide avec leurs mains, puis qu'ils voient tout ça. Là. C'est malade. Mais dans le fond, toi, tu as 6 semaines pour faire tout ça. Pour faire un jeu complet, exact. Vous êtes combien qui participent à ça? On est deux, en fait. Les gens peuvent se mettre en équipe de plusieurs. Moi, j'ai décidé de le faire avec une fille que je connais. Mais vous êtes deux dans ton équipe. Ouais. Je veux dire, il y a combien d'équipes? Je sais pas, j'ai pas vu les chiffres, mais c'est peut-être des centaines d'équipes à travers le monde. Là. Je m'en ai dit, ça varie tes chances. T'sais, si vous êtes 3 teams, gagner ta bourse, c'est pas mal plus facile. Je m'attends pas à gagner non plus. Je suis pas un développeur. J'ai pas fait beaucoup de choses à date. Puis je me mesure avec des développeurs d'expérience que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'ils travaillent avec des trucs comme ça. Je suis curieux. Tant que t'es un gars qui étudie en comptabilité, tu vas deviner c'est toi qui fais la programmation de ton projet? Mais je fais tout, en fait, je fais presque tout, là. Ma partner, elle fait le game design. Okay. Mais là, parce que veux pas, quand sur une petite équipe, t'es obligé d'apprendre plusieurs métiers. Fait que oui, programmation, j'ai de l'animation à faire, j'ai écrit une partie de l'histoire. Ça, c'est une petite parenthèse, mais ça, c'est quelque chose qui me fait triper de Montréal en ce moment. C'est qu'il y a tellement, je sens comme qu'il y a tellement un pouls de créativité de jeux vidéo virtuels, ouais. Tu pourrais embarquer là-dessus. Ben, comme quand on est allé chez Google pour le... C'était quoi le nom de l'événement déjà? Le... t'avais Broforce, t'avais tout le stock. Là, c'était... C'est justement... c'est... Il y a une effervescence de création. Tu sais, des gens, des équipes de deux qui te sortent des jeux que tu fais comme... Oh, le concept est fou. Hey, j'ai un de mes amis qui est musicien. Je call out Jeff tout de suite. Il est musicien, il est dans une band, il travaille à Caisse Desjardins comme à la caisse. Mm-hmm. Dans les derniers 3 ans, il s'est embarqué dans un trip de jeux vidéo. Il n'avait pas joué des jeux vidéo comme toute sa fin d'adolescence, début vingtaine. On commence à se tenir ensemble. Lui, il m'a appris comment jouer un peu la bass, mais comment m'améliorer la bass. Pendant ce temps-là, moi, j'ai montré tous les jeux qu'il avait manqué dans les derniers 10 ans. Ouais. Le gars... Il a mangé ça comme j'ai jamais vu un gars manger des jeux vidéo. C'est le genre de gars maintenant que chaque Assassin's Creed il sort, il pogne toutes les cristies de plumes. Mais maintenant, il est en train de faire. Il est en train d'apprendre comment utiliser des développements Unity, des affaires comme ça, pour faire ses propres jeux. Comme il est calé de même, et puis je trouve, comme André dit, l'effervescence qui est à Montréal en ce moment me fait halluciner. Ben, beaucoup de gens autodidactes aussi, on dirait. Tu sais, c'est comme, regarde... Puis avec les outils, maintenant, c'est tellement facile d'apprendre. Tu parlais de Unity, c'est ça que j'utilise aussi. Puis tu regardes des tutoriels en ligne là, sur YouTube. Tu as des livres que je me suis acheté, que tu suis un peu les exemples pour comprendre comment ça fonctionne. C'est très facile. Mais l'information est disponible. Exact, oui, tout à fait. En plus. Fait que si tu veux, c'est là. C'est pareil comme je checkais. Moi, dernièrement, j'ai commencé à m'amuser dans le codage un peu. Tu vas à code.org, tu peux tout apprendre. Tu peux apprendre ton C++, là, puis t'encourages de le faire en plus. Ouais. C'est comme, je pense qu'ils sont tellement, je sais pas s'ils sont en manque ou quoi, mais même, ils veulent que les gens apprennent, là, comme l'information est là, disponible gratuitement. Il y a des programmes aussi, ils essaient d'encourager les enfants, puis l'enseignement de la programmation en jeune âge, parce que justement, c'est de la solution de problème. Hein. C'est, c'est une habilité qui s'utilise n'importe où dans la vie. Comme n'importe quel langage. Plus t'es jeune, plus c'est facile à apprendre. Aussi, oui. Je me rappelle quand j'étais jeune, à l'école, on avait des machines Unix. Puis c'était avec une boule, mais c'était ils nous montraient comment faire la tortue. Ouais. La tortue. Logo Writer. Ouais, exact. C'était-tu Logo? C'était Logo, oui. Logo Writer. Hey, j'ai fait la tortue avec ça. Triangle que tu répètes 4 fois. Là, maintenant, moi, je le montrais à mes neveux. Puis là, t'en as un avec Angry Birds. Fait que là, t'as le cochon quelque part, puis là, t'as l'oiseau. Fait que là, faut que tu dises, mais OK, avance de 2 cases, tourne à droite, avance de 4 cases, pour là, justement, aller pogner le cochon. Ouais. C'est dommage. Fait que là, ils ont réussi à voir, fait que les gens d'Angry Birds ont donné la permission d'utiliser leur licence pour apprendre la programmation aux jeunes. J'ai une question. Juste une question, parce que le processus de la réalité virtuelle, puis tu fais le design, puis le programme, tout ça. C'est quoi qui est différent de programmer pour le Oculus Rift? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est mouvement dans l'Oculus Rift, dans le VR, c'est prédéterminé. Qu'est-ce que tu veux dire, prédéterminé? Ben, comme exemple, on a fait le démo de la matrice que j'ai trouvé absolument écœurante. En fait, pour l'expliquer, le démo de la matrice, c'est un fan du film qui a décidé de reproduire des scènes de la matrice. Ouais, fait que j'ai fait des scènes de la matrice. Quand tu jouais Neo, Mais t'as la manette où ce que tu bouges alentour. Mais j'ai un feeling que tout ce qui était programmé là-dedans... Puis j'ai peut-être, comme j'ai aucune idée de quoi je parle, fait que tu me corriges, là. Mais j'ai un feeling que tout ce qui était design là-dedans, c'était les scènes 3D avec le mouvement de la manette et tout. Mais tu programmes pas le mouvement de la tête. Là-dedans. Non, parce que c'est ta tête qui contrôle le mouvement de la caméra. C'est ça, fait que toi, t'es en train de créer un monde 3D. Ouais. Que ensuite, tu insères l'Oculus Rift dedans. Ça fait-tu du sens? Oui, exact. C'est exactement ça. C'est comme un free cam sur ta tête. Ouais. Et qui non my free cams, un free cam sur toi dans un milieu décor 3D. Puis là, au lieu d'être bougé par le bâton de droite, le stick de droite sur la manette, mais là, c'est ta tête qui contrôle le mouvement. En pensant, André était excellent à dodger les bullets. Ouais. J'ai filmé ça, puis c'était on va le mettre sur la page du collectif. Mais dans le fond, je pense qu'on s'entend que dans le passé, c'était une technologie qui n'était pas accessible. Mm-hmm. Dans le présent, c'est une technologie qui l'est accessible, mais qui est accessible aux gens qui veulent s'investir, aux gens qui veulent créer. C'est quoi le futur de la VR? Si tu as les moyens d'acheter une console next-gen, t'as les moyens d'acheter une certainement. Oculus Rift. Mais moi, ça a été un dilemme, honnêtement. Puis là, j'ai pris ma PS4, finalement. Mm-hmm. Mais au début, je me disais, je fais quoi? J'achète-tu du next-gen ou je me prends un Oculus? Puis le point qui m'a arrêté, ça a été ça, ça a été, je suis pas développeur. Je suis capable de tweaker des points INI puis des points CFG puis des affaires de même, mais est-ce que ça va être compatible avec la majorité du stock que je veux? Puis est-ce que je vais pouvoir jouer avec les autres puis des affaires de même? Puis... Ouais. Fait que c'est un très beau concept, mais c'est ça, le présent, je pense, puis corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une opinion, donc on se trompe rarement avec une opinion, mais de la manière que je le vois, le présent est aux développeurs, est aux gens qui pavent le chemin vers le futur. Mm-hmm. Voulant dire, là, ça coûte pas si cher que ça pour que les gens puissent travailler dessus. Ouais. Fait que peut-être que, puis là je me lance, mais peut-être qu'en 2018, un Oculus Rift version consommateur va coûter 299,95$, va être en vente chez Walmart, Microplay, etc. Plein de belles couleurs. Puis il va avoir des faceplates customisés pour mettre sur le côté, des choses comme ça. Mais quand tu vas acheter un jeu, je souhaite que si tu regardes sur la boîte ou si tu regardes sur la description en ligne, ça va dire compatible Oculus, puis ça va être rendu plug and play justement. Tu le mets dedans, tu faceplate, tu choisis dans ton display Oculus, bing, tu rentres, puis. Moi, c'est ce que je vois du futur. C'est ça le but pour les consommateurs. Il faut rendre ça le plus simple possible. Un peu comme une console que tu mets ton Blu-ray dans ton PS4. Le jeu part, puis c'est aussi simple que ça. Moi, qu'est-ce que je voyais, c'est un OS intégré que ça t'as plus besoin de le plugger sur un ordi. Je sais pas si pour l'instant... T'es obligé absolument, là, j'imagine que oui. T'as pas besoin d'écran, il y a même une application qui existe qui s'appelle VR Desktop. Ok, ben c'est ça, que moi c'est ça que je voyais, tu sais, je me dis, ça si existe je déjà. Peux juste me plugger dans mon divan, là, pas besoin d'ordi, pas rien, puis je sais pas comment que ça fonctionnerait, s'il y a un hard drive ou quelque chose, clique, par mon jeu ou mon... Ouais, en fait, toi... Affaire éducatif ou peu importe ce que je veux voir, là. Ce que tu parles, admettons, sur un divan que t'as pas besoin d'ordinateur, là, t'as le Gear VR qui est l'association entre Oculus et Samsung, qui est un casque pas de fil où tu fais juste insérer ton téléphone dans le casque, puis c'est ça qui sert d'affichage. Okay. Puis ça, t'as un OS justement développé par Oculus, puis t'as différentes applications que tu peux regarder, mettons, des vidéos 360 degrés ou des images panoramiques ou des jeux que tu peux jouer directement sur ton cellulaire aussi. Ok, parce que moi, c'est ça que je vois comme avenir. Ça va être juste un casque, tu le mets où tu veux, puis vioum, t'es rendu dans ton affaire. Puis j'imagine qu'il va y avoir tous les petits gadgets qui vont se rajouter pour justement les mains, les pieds, les suits au complet, les name it, les plugins USB pour tous les styles de jeux et vidéos que tu vas avoir, puis des cossins. Ça risque de devenir aussi un peu un genre de Wii. Tu sais, avec les gadgets de plus, là, tu sais, dans un sens, là, il va avoir le kit de base, mais si tu veux vivre l'expérience totale, tu penses comme tantôt, on en marchait, là, on en parlait, l'affaire pour marcher, là, je me souviens plus comment tu appelais ça, là. Ouais, comme un tapis roulant unidirectionnel, là. Tous les sens, que tu peux marcher dans n'importe quel. À un moment donné, ça va se vendre, oui, t'as le casque à 300, mais si tu veux le whole complete kit, là. Tard, il est là. Les tapis roulants, eux autres sortent l'année prochaine. Là. Justement, c'est un autre Kickstarter. Puis je suis sûr que ça, éventuellement aussi, ça va devenir plus abordable. Ouais. Mais on s'entend que c'est plus gros que juste une console ou quelque c'est chose comme... de même. C'est comme la veste qui avait sorti, je pense, il y a 2 ans, qui était une veste Core tactique. FX. Exactement. Ouais, que tu recevais des coups. Genre un first person shooter, si tu te fais tirer dans le chest. Ouais, t'avais des moteurs qui donnaient des coups. T'avais des capteurs, puis ça donnait un petit coup. Tu sais, pas un gros coup, mais juste un coup, tu sais, comme. Oh, faire sentir. Moi, je trouve ça fou parce qu'on a eu une entrevue avec les gens des rôles il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Puis tu sais, eux autres, ils parlaient de l'immersion puis des trucs comme ça. Puis tu sais, eux autres, ils se disent, ben, ce qui fait que quelque chose va être mémorable, c'est le fait de l'avoir vécu. Puis je trouve ça très noble, ce qu'ils entreprennent. Puis je trouve que l'Oculus, une fois que ça va être accessible aux consommateurs puis configuré comme il faut, c'est vrai que ça va être ça un peu parce que l'immersion, là, c'est plus... Tu regardes un écran, c'est pas... ben oui, t'as une manette, tu vas avoir un périphérique, ça va peut-être être des gants, ça va peut-être être peu importe, tu sais. Mais t'es limité à ce qui se passe dans le monde, puis en plus, c'est ta manière d'interagir avec, que là, ça devient mémorable, justement, ça vient de l'immersion comme ça. Tu sais, mon rêve le plus fou par rapport à ça, je donne un exemple, mais... Tu sais, un Daisy. Là. Premièrement, Daisy sera jamais fini. On s'entend, il aura jamais fini, Dinald. Ouais. Dans le Swift au Daisy. Dans mes crises de véhicule. Non, mais imagine-toi justement un jeu à la Daisy ou un World of Warcraft que tu tombes, pis c'est... Fuck, c'est du VR, là, pis c'est... Skyrim VR Open ça, World des... MMO, là. Il y a déjà un mode pour jouer à Skyrim avec Oculus Rift, là. Ouais, ça, j'ai vu. Ça doit être malade. Ben... Sauf qu'imagine-toi ça, en plus, t'ouvres un volet MMO. Tu sais, le nombre de possibilités me fait capoter parce que on pourrait être assis ici, ouais, les quatre dans la pièce, pendant 3 semaines, on manquerait de bière, mais on pourrait philosopher sur les besoins, qu'est-ce que ça pourrait donner, les problèmes que ça pourrait occasionner, les nouveaux enjeux même. Ou régler même. Mais tu sais, tu t'imagines-tu assis dans ton salon à côté de ta blonde? Toi, t'es en train de jouer à un jeu, mettons, avec le casque sur la tête. Ta blonde est à côté de toi en train de lire. Mais tu sais, t'as comme pas d'interaction, là. Toi, t'es dans ton monde. C'est pas comme présentement, si tu joues sur ta PS4, ta blonde te regarde jouer. Là, t'es comme enfermé. Ta blonde, tu sais, tu parles pas vraiment à ta blonde. T'es vraiment dans ton jeu direct. Ben, c'est ça, c'est comme un monde dans un monde, tu sais, c'est que... Mais en même temps, c'est une phase... Oui, tu peux jouer à des jeux en réseau avec, puis interagir avec des gens partout à travers la planète. Mais les gens qui sont à côté de toi, avec qui tu vis, ben, tu t'isoles un peu ouais, quand tu t'enfermes dans la réalité virtuelle. Mais c'est ça, c'est que ça ramène un côté très personnel aux jeux vidéo. Puis, c'est un monde de possibilités. Tu sais, moi, c'est ça qui me frappe le plus là-dedans. C'est la pointe du iceberg. On parle tout le temps de ça, mais... Tu sais, déjà... Depuis le début du Kickstarter à aujourd'hui, j'ai été capable de jumper dans Matrix. Je pourrais essayer de jouer à Alien Isolation. T'as joué une demi-heure de Mirror's Edge avec un casque. Ouais. Tu sais, c'est fou. C'est juste que où ça va aller. Ben, moi... Oh, tu t'en as-tu dire de quoi ou... Non, juste parce que moi, je pense que c'est là. La limite, il n'y en a pas. Puis... C'est rien pour l'instant. On ben, c'est rien ça. Ben, vu. Moi, c'est pas compliqué. Je m'imagine... Parce que moi, je pense jamais que je vais... Je suis un Trekkie de jeunesse. Toi, tu veux ton holodeck. Je veux mon holodeck. Mais je pense que j'aurai jamais mon holodeck. Mais je pense que la réalité virtuelle, d'ici le temps où je suis en train de penser à la retraite, va être rendue au niveau où je vais carrément avoir mon holodeck. Puis, Milter apporte un bon point aux accessoires. Parce que je porte un parallèle avec Ready Player One, que moi, je trouve, c'est... Le futur ultime du VR, c'est pas compliqué, là, c'est que... Puis c'est un peu qu'est-ce que je vois, pourquoi que t'as des Zuckerberg qui s'embarquent dedans et tout. Facebook, là, sorry, là, mais c'est un fucking portail à tout, là. On peut discuter que Facebook, c'est un jeu en lui-même. C'est pas juste des likes. C'est pas juste des likes, c'est toute une expérience. Il y a des shares. Attacher tout à ça. Puis, c'est un portail à les mondes que tu veux aller, puis... Dans Ready Player One, j'aimais l'idée où ce que t'avais les mondes d'Azeroth, t'avais les mondes, comme t'avais toutes les différentes planètes que tu veux aller, les planètes où ce que tu peux aller, juste apprendre, être dans une école, puis c'était gratuit, tu sais, comme on parlait de problèmes à régler, puis tout ça. Puis si les gens qui écoutent n'ont pas lu Ready Player One, vas-y. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire là, c'est, puis ça me fait penser aux accessoires, c'est parce que t'as un rags to riches qui se passe dans cette histoire là que je trouve écœurant. Ou est-ce que non seulement est-ce que tu te rends compte que c'était que le kid, le personnage principal, il est dans un monde virtuel avec juste un vieux laptop dans son temps avec un visor puis des gants cheap, mais le plus que l'histoire progresse, il se permet le gros kit. Puis tu vois qu'il y a des gros kits, puis tu vois que c'est un accessoire aussi à l'extérieur de tout ça, comme l'entrée de gamme est là. Mais tu peux tout vivre aussi. C'est les corporations qui, eux, sont super bien équipées. Full equipped, tout ça aussi. C'est là que tu vois que, tu sais, l'expérience est disponible, peu importe le prix, peu importe la personne. Lui, au début, il pouvait y accéder avec son petit visor cheap, ses gants, des affaires de même. Moi, j'ai hâte qu'on ait ça. Tu sais, j'ai hâte que, mettons, le Oculus, là, mettons, ou le casque, en tant que tel, ben, t'as 6 compagnies qui en font, puis ils ont peut-être 4 modèles chaque, puis t'arrives, puis c'est comme... Ok, ben, t'as combien? Ok, t'as 400 mètres. T'as l'entrée de garde. Ben, de à bord, 400, tu peux aller te chercher tel casque qui va faire telle résolution, tel motion sickness, telle affaire, blablabla. Puis, tu sais, pouvoir justement paramétrer ton setup un peu. Parce que présentement, je pense que c'est ça qui est arrivé, c'est que l'accessibilité était limitée aussi au choix du matériel. Mais là, le fait d'avoir des nouveaux development kits, des compagnies, des gens qui s'essayent, un paquet de cossins, moi, je trouve que c'est ça qui va ouvrir la porte aux gens et qui va inviter les gens à essayer. Absolument. Parlant d'essayer, Jean-Luc. Oui. Mot de la fin, on va se permettre de faire un paquet de shameless plug, mais moi, aujourd'hui, je suis un tripeux de VR, un tripeux d'Oculus. Mm-hmm. Je suis à Montréal, ou les environs, puis je veux en apprendre, je veux découvrir, je veux essayer. Je fais quoi exactement? La place que à peu près toute la communauté utilise présentement, c'est sur Reddit. C'est reddit.com/r/Oculus. Puis là, t'as plein de gens qui affichent les nouvelles de la journée. Fait que si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, les nouveaux démos, les nouvelles intéressantes, tu peux voir tout là-dessus. Il y a évidemment le forum de développeurs d'Oculus, mais ça, faut être enregistré comme développeur auprès d'eux. Quand tu l'achètes, dans le fond, j'imagine. Ouais, non, même pas besoin de l'acheter, juste de créer un compte avec eux. Mais c'est surtout, mais sur Reddit, t'as pas besoin d'un compte avec Oculus direct, là. Fait que tu peux avoir accès à toutes les informations. Il y a ça, que t'as beaucoup d'informations. Ils ont-tu fait le démo de Reddit avec Oculus Rift encore? Il y a de quoi, right? Non. Une app Reddit pour Oculus direct. Non, mais pour checker tes threads de Oculus. Mais ce qui existe par contre, c'est une application pour naviguer sur des pages web. Ok, ouais, j'avoue. Ça, c'est cool, ça. Ça doit être malade, ça. Ok, mais puis, continue. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, je sais qu'à un moment donné, tu nous avais lancé une invitation. Malheureusement, on n'a pas pu se présenter, mais le temps viendra. Mais vous faites des meet-ups aussi. Là. Ouais. Pas cassette, il avait gagné un soir, je pense. Oui, depuis un an, j'organise un meet-up qui s'appelle MTLVR, qui est en fait des enthousiastes d'Oculus Rift, des développeurs qui se réunissent à chaque mois, qui regardent un peu, qui discutent des dernières nouvelles, des possibilités, justement, de après l'avoir essayé, de se dire, ben, ok, moi, je ferais ça avec l'Oculus, puis un peu le rôle du meet-up, c'est de mettre les gens en contact. Fait qu'admettons qu'il y a deux personnes qui veulent travailler sur le même genre d'application, ben, on les met ensemble, ils se parlent, ils essayent des encourager à développer quelque chose ensemble, parce que c'est une des choses qui est le fun de la communauté, c'est un coup que tu as essayé la réalité virtuelle, si tu dis, mais ok, je vois plein de possibilités, j'aimerais ça que tel genre de jeu, mais là, c'est, ben ok, fais-le toi-même, prends un kit de développement, puis fais-le. Fait que c'est une des choses qui est fun avec la communauté, puis c'est ce qu'on essaye aussi avec le meet-up de rapprocher tous ces développeurs-là qui ont des idées. La communauté a l'air axée justement sur le partage, puis ouais. Tu sais, pas se garder tout pour lui, puis c'est comme tu dis, des événements de même, ça a l'air du brainstorm, puis du partage d'idées entre personnes. Puis... Il y en a à travers le monde, des meet-ups comme ça, puis souvent, c'est ça, c'est un développeur qui a fait une application pour le VR, qui vient le présenter aux gens, qui le fait essayer, puis qui explique, ben voici quel problème j'ai eu, voici comment j'ai résolu ces problèmes-là. Donc, ça donne des trucs aux autres développeurs en même temps. C'est cool, ça. Si je peux faire un parallèle à ça, puis t'écoutes le show, puis des choses comme ça t'intéresse, que ce soit VR ou meet-up général, jeux vidéo, man, Montréal, la scène est ouverte. Ouais. Comme tu peux carrément aller à une rencontre qui est accessible, gratuite. Tu peux rencontrer des gens, justement, comme Jean-Luc, qui vont montrer le stock VR. Mais tu peux rencontrer des gens qui travaillent à plein de studios, qui sont ouverts à faire du networking. Puis je trouve que des gens, je pense qu'ils comprennent pas comment accessible que c'est à Montréal. Mm-hmm. Tu sais, tu peux être là dans ta petite chambre à Montréal-Nord, là, en train d'écouter un podcast, en train de dire, moi, je veux faire des jeux vidéo, je rêve d'être dans l'industrie. Ouais. Mais Calis, t'es dans une des meilleures villes au monde en ce moment, où ce que tu fais juste sortir, ponctuer un budget de 2$ pour un café, puis tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont ouverts à partir des idées, incluant justement des soirées comme vous faites. Là, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool à Montréal. Ouais, ça, là, c'est... Une des places où j'ai été, c'est la Société ludique du Mont-Royal. Ouais, j'ai pas été encore, mais les invitations sont toujours lancées. Et ouais, à ne pas confondre avec la Société ludique, qui fait les conventions, là, mais... Fait que c'est des développeurs que tu peux rencontrer, à qui tu peux parler. Il y a une association à Montréal, en fait internationale, qui s'appelle l'IGDA, IGDA, qui est association des développeurs de jeux vidéo, je pense. Puis à chaque mois, ils font des conférences. Il y a deux mois, je pense, j'ai vu Cliff Bleszinski qui est venu à Montréal expliquer son nouveau studio, comment ça fonctionnait, comment il est en train de le partir. C'est accessible même à ceux qui sont pas membres de l'IGDA, je pense que c'est comme 5$ par soirée. Puis tu peux venir écouter des développeurs de jeux parler de leur expérience. Et tu as plein de développeurs qui sont dans la salle aussi avec qui tu peux discuter, qui sont super ouverts justement à... Eux autres, ils vont autant que toi, dans le fond, pour écouter le monde parler. Ouais, exact. Puis t'as des étudiants qui sont là aussi en jeux vidéo qui viennent pour apprendre. Puis c'est vraiment des... Il y a plusieurs ressources à Montréal, puis probablement en province aussi, pour les gens qui s'intéressent puis qui veulent en apprendre plus. Hein. Puis pour les gens qui voudraient entrer en contact avec toi, Jean-Luc, c'est quoi le meilleur moyen de te poser une question, de te jaser, de dire « Jean-Luc, IGDA, les meet-ups, un jam, c'est quoi? Je veux en apprendre plus. » On te rejoint comment, Jean-Luc? Alors, c'est probablement mon adresse courriel, parce que je poste souvent sur Twitter. Donc, mon adresse courriel qui est jllabel51@gmail.com. Excellent. Mais merci d'avoir été avec nous, honnêtement. Merci de m'avoir reçu. C'était plus que dû comme épisode. Puis je suis bien content que tu aies décidé de venir nous voir. C'est vraiment apprécié. Tu as pris beaucoup d'efforts. Tu as apporté tes trucs en plus pour me démontrer. Moi, c'est un des épisodes que je vais me rappeler pendant longtemps, honnêtement, parce que le sujet il est cool, les gens sont cool, puis c'est des beaux souvenirs aussi. Ça fait 1h30 que tu récupères. Ça fait 1h30. Je commence à être popé, là. Tu es encore malade, toi, Eric. Tu vas être dur pour une petite ride de roller coaster. Eric, les gens qui voudraient entrer en contact avec toi? Ben, c'est ainsi beaucoup priced, hashtag 1387, là, Hearthstone, trying de grinder. Ouais, en tout cas. Fact Price. Nim Challenger, Price, là, This Battle.net, là, en train de faire du Heroes of the Storm, tout ça, Montréalien sur Facebook. Tu checkeras, je pense que c'est Daniel Vaillancourt d'FGG, je pense qu'il joue à Hearthstone. Il y a plein de monde qui joue à Hearthstone. Puis... Tout le monde, j'ai call out, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Facebook, personne n'a eu les balls de m'ajouter ou me call out. Je vois plein de monde qui m'ajoute sur Battle.net. Moi, je suis là, je fais mon shit. Personne qui me challenge. C'est toujours là. Le battle button, il est direct à côté de mon nom. J'ai trop de personnes sur ma liste Battle.net parce que ça fait comme 10 ans que je joue à WoW. Fait que sorry. Mais envoie-moi un challenge. Moi, je vais être là. Tu me vois en ligne. Je vois sur Hearthstone. Challengez-moi. Je m'en calisse. Je vais vous fourrer à voler. C'est la confiance. C'est peut-être pour ça que personne ne te challenge. Ils ont peur. Penses-tu vraiment que j'impose à ce point-là? Parce qu'en passant, c'est pas vrai. Je suis poche. Puis j'apprends comme vous autres. Là, il est rendu dans la psychologie inversée. Il était dans le trash talk il y a 2 secondes. Milton, je pense que c'est le temps que tu sauves la conversation. Milton. Moi, vous pouvez me rejoindre sur pas mal toutes les consoles avec Milton 187, que ce soit Nintendo, PSN ou Xbox Live, je suis là-dessus. Puis sinon, ben Facebook, pogner la photo du gars déguisant Guy Turcotte, puis ça va être moi que si mon nom, ça a été tellement chéri à l'Halloween. Sinon, c'est quoi dans mon Twitter? Je ne me souviens plus. Zombie Milter. Zombie Milter, oui. Pourquoi que ce serait Zombie Milter? Parce que c'est... T'aimes les zombies? Ben oui. Fait que c'est ça. Écrivez-moi là. Ajoutez-moi sur PSN, Uzumaki QC, Twitter, Uzumaki QC, Instagram, Uzumaki QC. Et sinon, vous pouvez m'envoyer également un courriel au podcast@geekcollectif.com. Mais ça, vous pouvez l'envoyer à toute l'équipe, dans le fond. C'est super simple. Écoutez, on veut entendre parler de vous. On va les lire en ondes, les trois en même temps, je pense, si vous avez en fait, on peut les lire chacun notre tour. Peut-être en même temps, ça serait cacophonique un petit peu. On essaiera. Je ne suis pas fermé à la situation, mais envoyez-nous vos commentaires, plein de suggestions, lettres d'amour, peu importe, on est willing. Allez laisser un 5 étoiles ou plus sur Twitter. Oui, ou sur iTunes. Sur iTunes, oui. Vous m'écoutez, c'est pas pire, ça a du sens. Donc 5 étoiles ou plus sur iTunes, laissez un commentaire aussi. Je suis curieux de lire les commentaires sur iTunes. À chaque fois, on a des trucs du genre best podcast ever, qui est laissé par la gang du best podcast ever. En plus, on a des trucs vraiment variés, mais l'important, c'est d'utiliser votre monnaie sociale. Votre monnaie sociale, c'est vos tweets, vos messages sur Facebook, le share que vous faites avec nos épisodes, le like sur la page du collectif, le like sur la page de RZO aussi également, parce qu'on fait partie de RZO, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Non, ce n'est pas la familia vénézuélienne de rap brésilien ou peu importe. Là. Les favelas. Mais l'important, c'est ça, c'est utiliser votre monnaie sociale. C'est la meilleure manière de nous dire que vous aimez ce qu'on fait, parce que c'est gratis. puis c'est ça. Hey, hey, peux-tu quitter avec une petite affaire que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que t'as appris? Puis je pense qu'on peut en même temps profiter pour remettre une toune de la semaine à cause de ça. J'ai peur. J'ai appris que, tu sais, un gazou, l'instrument de musique. J'ai vraiment peur. Mais c'est pas un gazou, c'est un kazoo. Ben ouais. K-A-Z-O-O. Mais Chris, moi, je cherchais avec G-A-Z-O-U. Non, lui, c'est le personnage d'un pierre à feu. C'est pour ça que je me demandais pourquoi que je tombais juste sur des affaires de pierre à feu, puis j'étais comme, il y en a pas un qui joue une toune, tu sais, d'instrument, puis tout. Mais en gros, j'ai tombé sur le thème de Mega Man 2, refait au kazoo par un gars qui fait toutes les tracks avec le même kazoo. C'est un asti de malade. T'es en train de me dire que tu veux qu'on finisse avec la toune de Mega Man 2. C'est Mega Man 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit avant? En kazoo. À fin de la toune? Mega Man 2. Drop de kazoo? Sacrément. Elle était 40, tu rires. 1, 2, 1, 2, 3, 4.